Nous autres, on est prêts. Je pense que je vois un pouce. Ah bon, ben, ça veut dire, Bruno, je t'invite à faire ton tilaïus. On commence. Oui. Alors, bonsoir. En manchette ce soir, on parle de voitures et on parle de d'autres, de maladies aussi, je pense. Ouais, je sais pas, j'ai pas lu mes nouvelles. Vous écoutez 70%. Sous les destins d'académie, sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes chanchous, les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bonbon bon fort, chaton, tweeton, mais douton encore. Oh! Ah ouais, c'est le temps d'en parler. Ouais, ouais, let's go. On est à 70%. Bonsoir tout le monde, mon nom est Tommy Godette et je suis animateur de radio, TV, web TV, podcast, et voilà, me voici ici à la table devant vous pour un autre lundi, un petit peu comme les autres, mais légèrement différent, fait que ça vaut mieux de pas faire comme un repeat de la semaine passée. Je regarde mes chroniqueurs, il y a des petits trous marquants, je sais que Fred va venir nous rejoindre, sinon ben, on a Jesse. Damien, ce soir, de quoi qu'on va parler? Ça avait l'air drôle ton affaire. En fait, j'avais projeté passer une audition pour Virginie. Et voilà, il est jamais trop tard. On a aussi l'excellent Simon Portalance qui est de retour. Éric Carmen. Yes, et voilà, Éric Carmen. Et bien entendu, Serpent Boudreau. Non, on était supposé avoir Serpent Sylvain cette semaine qui chantait La Fête à Toto, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était avec le drummer des bébés. Et voilà. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça et qui finissent mal. Ouais. J'imagine qu'il va être là la semaine prochaine en pensant que c'est cette semaine. Et voilà, on le souhaite. Sinon, ben, on voit notre ami Simon Cussonnet. On a un 70% très bien chargé avec Bruno aux nouvelles. On va parler de voiture. J'espère qu'on a un vol de dépanneur. Moi aussi, juste comme j'ai dit, j'ai pas lu ma chronique. Sinon, ben, vous allez applaudir direct maintenant notre invité, JC Lauzon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très content de nous avoir avec nous. Je pense que tu as une feuille de route quand même conséquente. Ça va. Tu as une feuille de route conséquente. Hein? Tout le monde te connaît comme ayant été comme le géo qui a le mieux réussi au monde, probablement. Hein? Le géo qui s'en est sorti. Non, mais c'est vrai que j'ai souvent changé de trail. J'ai souvent sauté la clôture pour aller voir ailleurs si j'y étais. Puis je me suis retrouvé. Puis j'ai encore changé. C'est vrai? Puis je change encore, là. C'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, que tu es ici, parce qu'on s'est rendu compte que toi et moi, on était des adversaires dans les élections fédérales. Ah, pour vrai, oui, c'est vrai. Ben oui, moi, je suis candidat rhinocéros dans Papineau. Okay. Et toi, tu vas être un candidat du Parti vert dans quelle circonscription? Dans la circonscription Pierre Boucher, Verchères, les Patriotes. OK. Et puis là, ben, on vient de voir un documentaire qui touche un petit peu de ta région, si j'ai bien... Ben, moi, je dis que je suis arrivé en politique par les voies maritimes, parce que c'est l'eau, finalement. OK. Qui, c'est la consternation, c'est l'implication dans des manifestations pour sauver l'eau potable, pour sensibiliser les gens à la cause de l'eau potable, aux dangers potentiels qui nous pendent au bout du nez présentement. Il y en a quand même plusieurs. Moi, dans le documentaire que tu viens de nous suggérer, il y a une phrase que je vais me rappeler toute ma vie. Oui. Et il a dit « La Montérégie, il n'y a plus de grenouilles ». Il n'y a plus de grenouilles parce que les produits chimiques viennent comme influer sur le développement des têtards et clean sweep, il n'y en a plus. C'est quand même assez... Mais c'est parce que la grenouille, comme il l'expliquait dans... Tu sais, ce film-là, je sais pas les gens s'ils savent à quel point c'est... D'abord, c'est rare à trouver. Oui. Parce qu'il a fallu que je le commande, au fait, parce que pour le voir, il a fallu que j'aille à la Cinémathèque québécoise. C'est un film de Robert Mondry, celui qui a fait, avec Richard Desjardins, Le Peuple invisible, L'horreur boréale, puis... L'autre, True Story. Voilà. Puis même un autre, là, si on revient en 78, c'est eux autres qui ont fait, qui ont mis au jour le fait que Rouen, c'était la ville la plus polluée au monde en 1978. OK. Mais ce film-là, ça m'a fait... En fait, j'ai trouvé ça bizarre de ne pas être capable de le trouver facilement parce que l'eau potable, c'est quand même quelque chose de, enfin, essentiel à la vie. Et il date de 2002. Est-ce qu'on a consensus là-dessus? Est-ce qu'on a consensus? je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Non, mais on dirait que le monde l'oublie, que l'eau... on dirait que l'eau, on a l'impression, surtout au Québec, parce qu'il y en a plein, on a plus d'eau que partout dans le monde, on dirait qu'on a l'impression que c'est pas grave ce qui peut arriver à l'eau. Ah, c'est pris. Mais là, il parle de nous passer des pipelines bord en bord de 600 rivières, rien qu'au Québec. Et ça, je trouve que, en tout cas, moi, c'est pour ça que je m'en rends politique. Parce que j'ai goût de parler de la question. Mais ils vont faire attention qu'ils ont dit. Ils ont juré. Oui, ils ont dit je vais faire attention. On va passer en dessous du lit de la rivière. On va faire attention. Hey, là, je me sens rassuré au bout. Calvin, ça va bien. Non, mais fait que là, t'as dit moi, j'en ai plein mon casse, je m'en vais m'impliquer. Ouais, ben, c'est-à-dire qu'à force de manifester, c'est venu aux oreilles de Daniel Green, qui est l'adjoint d'Elizabeth May du Parti vert du Canada. Okay. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit, ça te tente-tu de t'impliquer politiquement? Puis, je suis allé le rencontrer. Puis, franchement, le programme du Parti vert, j'ai rien contre le programme du Parti rhinocéros. Puis, on peut être des adversaires être des ennemis. Exactement. Hein? Moi, j'aimerais mieux que les verts rentrent que le rhinocéros. Anyway, tout le monde sait que ça va être Justin Trudeau. Ouais. je sais pas, là, par exemple. Dans ta circonscription, probablement. Ouais, dans ma circonscription. Tu te présentes contre Justin? Ouais. Okay. Moi, mon slogan, c'est décidé, ça va être Tommy Godette pour le parti rhinocéros pour Justin Trudeau. Ouais. Je veux mettre en relief le fait qu'on a le choix hein, quand c'est on va très, voter. Très, oui, c'est bon, la démocratie. Et voilà, voilà, c'est un lourd mais compliqué processus. Ouais. Mais moi, j'ai plus de chance que toi parce que j'ai pas des adversaires très, très... encore moins que le Bloc ait un sursaut qui, on dirait, se manifeste un peu là, depuis que Gilles Duceppe puis PKP et tout ça. Mais il reste que, dans Montérégie, la NPD qui était là, elle a pas été beaucoup là. Elle a pas été beaucoup C'est-tu vue. C'est-tu assez douchebag à ton goût, ça, l'affaire Gilles Duceppe? T'es pas pensé faire autre chose, là, il dit non, il est temps que je vienne sauver tout le monde, genre, c'est que ça qui se passe. Écoute, moi, je veux pas trop me prononcer là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour M. Duceppe. Ah, voilà, et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même travaillé beaucoup, œuvré beaucoup pour la défense du Québec, des Québécoises, des Québécois, mais c'est certain que moi, je vais te dire, je trouve que ce qui est important, là, c'est pas mon identité autant que l'urgence environnemental. Ça, je dis, eux autres, ils veulent faire l'indépendance pour bloquer l'eau, bloquer les pipelines. Moi, je veux bloquer les pipelines pour affirmer mon indépendance. Dis-tu ça? Ça me va. Moi, ça me je va. Pense que l'ennemi, là, c'est pas Ottawa, c'est les pétrolières. Ah, ça me Puis va. Eux autres, ils s'en foutent complètement de notre bien-être. Ils veulent passer du bitume bord en bord le Québec. On n'a aucun bénéfice à faire ça, puis on court tous les risques, puis on n'a pas besoin d'être indépendant pour bloquer ça, parce que la preuve, c'est qu'en Colombie-Britannique, ils l'ont bloqué, le pipeline, puis ils sont pas indépendants, ils font partie du Canada, ce que je sache. Alors, moi, je pense que ça presse, mais ça en prend pareil, ça va prendre par l'effort pour rappeler au monde à quel point l'eau, c'est vital. Puis d'ailleurs, le premier projet, la première tentative, les premières expériences d'étendre du bitume partout, ça fonctionne quand même moyen. Là. On a vu ce qui est arrivé à Laval avec la corruption. avec Vaillancourt, quoi. Ouais, c'est oui. ça. Oh, il y en a mis partout. Hein. Et voilà. Ouais. Ouais. Ton setup pour de Laval. Non, on est arrivé. On a pas su on est arrivé. Sinon, moi, il y a des affaires. Pendant que tu es là, JC, je veux qu'on en parle. Moi, je suis pas un amateur de télévision depuis de nombreuses années. Okay. Les copains d'abord, par contre. Ça, j'ai écouté ça en sabrissant. Ah, c'est vrai? Ah! Ben, c'est parce que ça venait avec les copines d'abord aussi. Ça venait contrebalancer l'émission Les copines d'abord. Mais disons, on s'appelait Les copains. Hein? On pouvait pas s'appeler Les copains d'abord parce que c'est le titre d'une chanson de Georges Brassens. C'était Les copains. Les copains, mais les oui. copines d'abord, elles pouvaient être. Puis ça venait contrebalancer ça, l'effet de... Là, excusez, mesdames, là, mais c'est parce que dans Les copines d'abord, ça parlait fort. Ça parlait un par-dessus l'autre. Puis là, ils ont dit, on va essayer avec des gars pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis je pense que c'était pour contrebalancer, mais aussi... Ça parlait pas, tu sais. Puis ça... Non, mais, non, ça mais parlait... c'était très posé. Là, non, mais ça avec Grégory Charles, ouais. Francis Redé, puis Marc-André Goyer. Pourquoi Grégory Charles, il était assis tout seul de son bord? Ben, parce qu'il parle tout seul souvent. Quand même. Et voilà, c'est dit. Puis, est-ce que t'as des beaux souvenirs de ton époque, les copains? Mais c'est drôle que tu me parles de l'époque des copains parce que jamais personne ne m'a posé la question. C'est pour ça que t'es titre, là. Mais moi, je veux dire Jean-Claude Pénard, c'est cool, mais les copains, moi, ouais, les copains. Non, mais moi, le souvenir que j'ai des copains, ben d'abord, c'était des trois bons gars, là, quand même. Grégory, Marc-André, puis Fred, Francis. Mais l'affaire, peut-être... Je sais pas si tu aurais... Francis Reddy, on oui, est sur le web, puis tout, là, tout le monde sait ça à grandeur, là. Tu veux dire ce que t'es en train de dire, là? Ouais, ce que je suis en train de dire, là. Ah, ben, je pense qu'à date, ça va bien. Non, c'est parce qu'en tout cas, c'est un souvenir, je peux le dire de façon élégante, c'est que le souvenir que j'ai de Grégory, c'est qu'à un moment donné, j'avais invité Fabienne Larouche à venir nous parler. Puis Grégory, je pense qu'il aimait pas tellement le discours de Fabienne. Alors, il était assis en face d'elle... Puis il s'est mis à s'étirer puis à bailler pendant qu'elle parlait. Oh. Puis, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça pas élégant. Ouais, ça, pas élégant. C'est bien dit. Je pense que c'est très bien résumé. Est-ce que t'es un joueur de Magic? Un joueur de Magic? Hey, t'as de la suite des idées, toi, là? Ah, ben écoute, j'ai failli te poser la question, c'est dinosaure. Ouais! Je sais même pas ce que c'est Magic. Ben, ça s'apprend quand même assez facilement. Ouais? Ouais, ok. Ouais. Il est d'accord. C'est pas de la drogue, là. Non. Un peu, quand même. Ouais, un petit peu. C'est un jeu de cartes à collectionner. C'est addictif. Ah, comme Pokémon. Un petit peu. C'est eux autres qui ont fait le jeu de cartes de Pokémon. Ah, ok. Ouais, c'est le même. Je trouve ça drôle qu'il y ait bien du monde qui ne savent pas c'est quoi Magic, mais qui disent après ça, ah, comme Pokémon, puis là je lui dis ouais mais c'est Magic qui a fait Pokémon, puis là la discussion a c'est meurt, juste de parce qu'il y a rien là, mais qu'est-ce qui est le fun d'échanger des cartes comme ça? Ben tu sais un petit peu comme quand tu collectionnais des cartes de hockey quand t'étais plus jeune. Ouais. Sauf que là tu peux jouer avec puis ils sont utiles genre. Ils sont utiles hein? À jouer avec. À jouer. C'est vrai, ça, c'est ça, vrai. Ça fait du sens. Ça. Sinon ben toi c'est ta première fois à 70%. Ouais. À date ça va pas pire. Je me sens pas bien. Le but, en fait, moi, je cherche un petit peu à te mettre à l'aise. Puis après ça, Bruno va nous raconter des nouvelles sur la vraie vie. Et toi, tu passes le show avec nous au complet. Les chroniqueurs vont passer. Tu peux commenter à rigueur, à ta guise, comme tu le sens. Et ce qui est le plus beau, en fait, et je le savais même pas avant qu'on aille une discussion en ligne pour vérifier ce qui était pour se passer ce lundi, mais M. Lauzon, ici, joue de la musique, joue de la guitare. Et on va avoir une prestation après le show. J'ai très hâte. On se souviendra de ACGC. ACGC, mon premier band. GC Hammer, mon premier band. Y a-tu quelqu'un? Et j'ai mes sous-vêtements, GC pour rien. GC ou rien. GC ou rien. Connaissez... Ah, c'est pas votre nom. Ah non, là, on est vraiment... Ben, pourtant, j'étais là. Non, c'était DC ou rien. OK. Ah. GC est d'ailleurs. Mon Dieu qu'on a fait des jeux de mots avec ça, GC. Il est pas trop tard pour faire ceux que t'as pas encore fait aussi. Hein? OK. Bon, ben là-dessus, je pense qu'on est prêt à commencer le show. Let's go, Nick. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Tommy est pas capable d'arrêter de trouver ça drôle. Je m'étais juré. Let's go, on écoute. Oui, on part en nouvelle. Après que la voiture, sa voiture soit disparue du spot où il l'avait laissée, un homme a décidé de se rendre chez son frère qui croyait qu'il lui jouait un tour et avait volé sa voiture. En chemin, il a aperçu un homme qui n'était pas son frère au volant de sa voiture. Il a alors immédiatement appelé la police. L'homme qui avait volé la voiture, un certain Alexander Katz, s'est vite rendu compte qu'il ne savait pas conduire manuel. Il a décidé d'abandonner la voiture et de se caler un taxi à la place, chose qu'il aurait peut-être dû faire au départ. Ça doit pas être si compliqué. Il a été arrêté alors qu'il attendait son taxi dans le stationnement d'un dépanneur. Sabristi, hein? Mais en Amérique du Nord, chauffe manuel. Chauffes-tu manuel, toi? Oui, manuel, automatique, électrique. Voilà. Ah ben oui, t'es rendu là-dessus en plus, hein? Ben oui. On va-tu avoir des bornes un peu partout à un moment donné? Énergie responsable et renouvelable. Ça, ça manque beaucoup, les bornes électriques. Hier, d'ailleurs, on était à un hôtel. Puis pour se stationner, il a mis une borne pour charger les autos. Mais juste à côté, c'était un parking réservé aux handicapés. Oui, fait que c'était pour les handicapés qui voulaient recharger leur voiture. Oui, ben ça, je sais pas, on s'est posé la question. C'est les prothèses électriques. Ouais, en tout cas, bravo pour l'effort. À cette heure, il y a eu 70%. Voilà. Let's go, Bruno, next. Vous êtes mort et vous voulez renouveler votre permis de conduire au New Jersey? Oui! Dépêchez-vous. Un nouveau projet de loi risque de vous empêcher de le faire bien vite. La loi a été proposée après qu'une enquête avait révélé que 300 permis de conduire ont été émis à des personnes déclarées mortes l'an dernier. 300? Ben voilà. C'est comme ça que je me suis débarrassé de Columbia, moi. J'ai le droit d'être mort. En Nouvelle-Zélande, maintenant, un homme de 23 ans qui tentait... Attends, là, c'est tout? Ah oui, c'est tout. Ben, je vois pas tu voulais vraiment que j'élabore. Non, ouais, je suis en train de gérer encore. Mais je pense que Patrick a bien résumé là. Oui, voilà. Ouais. Oui, donc on s'en va en Nouvelle-Zélande. Un homme de 23 ans qui tentait d'éviter de se faire prendre à conduire sans permis a décidé de donner un faux nom au policier qui l'avait arrêté. L'homme a aussitôt été arrêté parce que le nom qu'il avait donné était en fait celui d'un homme recherché pour avoir brisé les conditions de sa libération. C'est genre Moriarty. Oui, alors ce n'est qu'à son audience que la vérité a été découverte. Il a été condamné pour conduite sans permis de conduire et avoir donné de fausses informations à un policier. Un autre héros de ce monde. Voilà. Finalement, pour ce bloc-ci, après avoir volé une banque, Shane Lindsay de Greensburg en Pennsylvanie n'a pas pu s'empêcher d'aller célébrer son coup en allant au restaurant pour se payer un repas. Après le vol, un témoin l'a aperçu en train de courir vers le restaurant. L'homme est entré pour y laisser sa veste et son capuchon et s'est installé à une table là, pour se rassasier après une journée de travail productive. La police l'a trouvé en train de manger son repas et il fait face à 4 ans de prison. C'est une cave. Oh, attention, j'ai peut-être une dernière nouvelle pour ton premier bloc. Oui. C'est la fête à Toto, tout le monde! Bonne fête, Toto! Bonne fête, Toto! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Toto! Fourré dans ta tête! Et d'ailleurs, Toto, on s'est tous habillés un petit peu en Toto ce soir pour toi. Les manches n'étaient pas acceptées. Et je veux que tu regardes ce que ça fait, la trentaine. Je veux que tu regardes ce que ça fait, la trentaine. Fais attention à toi. Mais tu vois, la cinquantaine, ça a l'air de faire du bien aussi. 60 ans. Ah, tabarnak, slack. Ça va bien. Let's go, Nick, on s'en va au prochain. Voici la chronique animalière de Jesse Bouchard. Salut, Jesse. Yo. Comment ça se passe? Ah, ça va. Ben, toi aussi, tu t'es totoisé, j'aime ça. Pas de manche, une calotte. Ouais. On parle de liberté. Oh yeah. C'est bon. C'est la fête à Toto. Oui. Ben, bonne fête, Toto. Mais comme sur mon feed de Facebook, je suis tombée aussi sur le 1 an de deux personnes, puis j'ai trouvé ça cute. Puis je voulais comme féliciter le 1 an de couple de Tommy et de Élise. Donc... Puis, ben, je me suis dit, mais ça tombe en plein la même journée que Toto. Coudon, c'était-tu, vous êtes rencontrés lors d'un party de fête de Toto? Ouais. OK, c'est beau. J'ai vraiment mis la main là-dessus. Donc, Toto, the matchmaker. The matchmaker. C'est vrai qu'il y a le corps à Cupidon un peu. Mais. Fait que, Jesse, t'es venu nous parler de quoi, là? Ouais, ben c'est un peu, ça va être plate un peu à soir, je m'en excuse d'avance. On est là pour toi. Ouais, je vais vous parler pas de maladie animale, mais d'une maladie humaine qui s'appelle... Ah oui, le Clientus conarus. Merci Bruno. Donc, Clientus conarus, aussi appelé sous le nom de Clientcon. il va avoir une espérance de vie très longue. Au début, ça va être un peu inaperçu. On ne se rendra pas compte qu'il va être atteint de la maladie. On va s'en rendre compte quand il va commencer à parler et avoir un contrôle de soi. les symptômes sont vastes. Par contre, ils ont tous le même but, c'est-à-dire faire chier les gens au service à la clientèle. Vu cette largitude, je vais me concentrer sur ceux qu'on peut voir en clinique vétérinaire. Le premier symptôme ou exemple que je vais vous donner, dans le fond, c'est le client qui va chialer que c'est cher, qu'on est des crosseurs, qu'on va profiter de leur attachement pour leurs animaux pour faire du cash sur leur dos. Non. C'est quoi qui n'est pas vrai? Mais là? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Non, on ne fait pas de cash sur, avec les émotions. Je suis désolée, mais... Calice, un animal, c'est un luxe, OK? Si vous n'êtes pas capable de payer pour votre animal, c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Puis si vous n'avez pas d'argent, ben c'est parce que vous êtes pauvre. Puis quand on est pauvre, ben on n'a pas de luxe. Donc, oui, c'est ça. Merci, merci. Fuck les pauvres! OK, bref, puis ceux qui me sortent la phrase typique, genre « Ouais, mais il m'a juste coûté 5$, pourquoi je dépenserais 60$ pour... excuse, mais si on compare aux enfants, les enfants, ça coûte de l'argent aussi, tu sais, ils vont avoir des soins, l'entretien. Puis, ironiquement, un kid, ça coûte même pas 5$, je veux dire, ça te prend un homme, une femme qui vont fourrer ensemble au bon moment, puis 9 mois plus tard, tu vas l'avoir ton kid. » Fait que je suis pas mal sûre que dans toute la salle, les parents... Je pensais que vous disiez forniquer, vous autres. Fourrer, baiser, forniquer. C'est ça, mais en tout cas... OK, ouais, on s'entend, on comprend tout le concept, hein? Du petit spermatozoïde qui va aller rencontrer la petite ovule. Faire l'amour de manière respectueuse. Ben, aussi, hein? Dans la tête. Donc, c'est sûr et certain que si je demande... Les parents dans la salle vont pas me dire « Ah, ben moi, je paierai pas pour mon kid, il m'a rien coûté. » Quoique Mathieu... en tout cas. Et il a des très petites mains, c'est lui qui vole pour moi, je l'aime. Oh, t'es donc ben bon! Pour vrai, tu y enseignes ça, c'est nice. Il est autodidacte, je ne lui ai pas enseigné. Il fait juste encourager le talent. C'est l'IA par excellence. Voilà. Parfait. Donc... Oui, on a passé ça. Le deuxième, j'aime l'appeler le client miracle. Parce que le client miracle, pour lui, c'est que tout se guérit et en un claquement des doigts. Hein? Parce qu'on sait tous que le cancer, ça se guérit, que le sida, ça se guérit. Puis que peu importe l'être vivant, tout peut être guéri. Mais non! Hein? Quand on travaille avec du vivant, un organisme vivant, que ce soit humain, animal... Peu importe le règne que vous voulez, là, ben, des fois, ça ne marche pas. Puis, ben, je suis désolée, on n'a pas de boule de cristal pour voir l'avenir, puis on n'a pas des dons de médium. Donc, on ne peut pas prévoir d'avance si ça va fonctionner ou pas. Ça me semble logique. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette logique-là. Clientus hein? Conarus. Le clientus conarus n'a pas cette logique, et malheureusement. Voilà. Troisièmement, hein, le petit clin d'œil à monsieur client qui va rentrer dans la clinique en tassant tout le monde et en me disant « Là, je suis pas un double ou peu importe, une zone interdite. Puis je suis pressé, fait que tu vas me servir le plus vite possible. J'ai des petites nouvelles pour toi. » Non, je m'excuse, mais je vais sûrement prendre mon temps pour répondre aux autres clients qui sont là avant toi. Puis mon téléphone va sonner, puis je vais faire exprès pour prendre encore plus mon temps pour tout expliquer. Juste parce que tu viens de me dire que t'es pressé. Ça fait que toi, tu combats la connerie par le feu, genre. Connerie par le connerie, oui. Okay, ouais, tout à fait. Mais pour vrai, je vais vraiment le faire. Et voilà. Honnêtement, dites-moi pas que vous êtes parking double parce que je vais vraiment faire exprès pour prendre mon temps parce que ça me fait crissement chier quelqu'un qui me dit ça. Ben, le transfert de stress, c'est pas utile pour personne. Ben, c'est pas mon esti de problème s'il parque en double. C'est ça. C'est pas mon esti de problème. Et où là, le gars qui est parqué en double quand il casse la gueule? Ben, écoute, viens à la clinique, puis ça va m'aider, honnêtement, là. Bref, pour finir, malheureusement, je pourrais vous en donner des tonnes et des tonnes d'exemples. Par contre, ça nous prendrait une couple d'années, puis aussi, ben, bizarrement, ça augmente de façon exponentielle, parce que, ben, la stupidité humaine, ben, c'est infini, hein. Donc, bref, on peut pas faire grand-chose pour le clientus conarus. On peut juste essayer de l'éduquer. Encore là, c'est un petit peu dur. Ou on peut lui calisser des coups de pied dans le cul jusqu'à temps que son anus soit tellement enflé qu'il puisse plus te chier dessus. Ou bien, simplement, ben, dans le milieu vétérinaire, encore une fois, hein, parce que faut le préciser, achète-toi un esti de toutou. Hein? Ton toutou, il prendra pas de soin, il va pas grandir, il va pas japper, il va pas perdre son poil. Il va être parfait pour toi. Puis ben, c'est pas un luxe, un toutou. Et voilà, c'est dit. Puis ça se lave à la machine. Ça se lave à la machine, le pas de luxe. Oui, merci beaucoup, Jessie. Ah, c'est apprécié. Ouais, est-ce que t'habites à la Rive-Sud? Oui, j'habite dans ta circonscription. Là. La ville du bonheur. La ville du bonheur, Boucherville. Oui, Boucherville, la ville du bonheur. Tu as le bonheur d'habiter à la ville du bonheur. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Cette intervention-là, t'as gagné. J'étais brainwashed. T'as gagné celle-là, mais je vais gagner la prochaine. Allez, let's go, on s'en va au prochain chroniqueur. Mesdames et messieurs, vous écoutez le Super Plus sur DTV. Hey, salut tout le monde, je sais que je fais du feng shui en avant, mais c'est parce que j'avais préparé quelque chose de spécial, parce que comme notre invité a fait de la télévision, moi c'est mon rêve d'enfance, faire de la télévision, puis j'en ai jamais fait parce que j'étais paresseux, puis je voulais pas me compromettre devant les autres. Donc c'est ça, quand j'avais 15 ans, j'avais l'air d'en avoir 8, maintenant que j'ai 30 ans, j'ai l'air d'avoir à peu près 16 ans. Donc j'ai décidé de passer ma première scène d'audition pour Virginie. Pour Virginie. On a peut-être quelqu'un aussi qui va pouvoir te donner des trucs, là. Mathieu, il est bon là-dedans. Ouais, ben moi je comprends ça, tout ton rêve de faire la télé. Moi j'ai étudié là-dedans, puis c'est parce que j'étais mauvais que j'en ai pas fait. Maintenant, ben, je suis devenu metteur en scène, puis je fais vraiment chier les gens. Donc, monsieur le metteur en scène est là, il va mettre ses lunettes pour voir mieux le texte. Pour mieux lire sa feuille. Pour mieux lire sa feuille. Et puis, on va faire l'audition comme ça vient. Donc, personnage. Donc, tu peux y aller, Mathieu? Ouais, ben on va y aller vite, là. J'ai un sushi sur le feu. Allô? Allô, Janine, oui? Janine, pouvez-vous passer chercher des fleurs pour ma femme, oui? Ouais, puis faites entrer le jeune, là, Yann. Bonjour, Monsieur Weber. J'espère que vous savez pourquoi je vous ai fait venir ici. Capote pas, purin. Je sais bien que toi et ta gang de préposés au téléphone, ils ont laissé un message chez nous. La prochaine fois que tu veux parler à ma mère, demande-moi le don directement. Ah ben là, le jeune... Tu vas pas commencer à faire le fanfaron dans mon bureau certain, là? Des petits baveux comme toi, ça va aller faire ça ailleurs? Sérieux, comment tu veux que j'aille faire ça ailleurs si tu m'as fait venir dans ton bureau? Écoute, ben, si toi, fiston. Je préfère rester debout. Si... Ah non, regarde, là... Quoi, que c'est pas correct? Non, je vais tout de suite arrêter. Ok, excuse. T'as l'air stressé pour ton audition. Et tu manques de ce que j'appelle l'abandon. Alors ça, c'est pas très très compliqué. Faut que tu relaxes. Faut que tu ouvres ton plexus solaire comme ça. Pense danse contemporaine, automne, ok? Alors on va recommencer la scène à l'endroit du silence. Puis je veux que tu sois plus détendu, un peu comme un adolescent qui est en colère, mais qui est comme trop mou pour agir à cause de sa puberté. OK, OK, c'est bon. Trop mou okay. pour agir à cause de sa puberté. OK, silence. On y va. Sérieux, comment tu veux que j'aille faire ça ailleurs si tu m'as fait venir dans ton bureau? C'est bon. As-tu déjà entendu parler, Yann, du règlement concernant le code vestimentaire? C'est dans les pages au début de ton agenda, je crois. Je sais pas de quoi tu veux parler. Tout le monde est libre après tout. Non, non, non, non, stop, stop. Stop, là, là tu forces. Là, je te sens, tu forces, mais, ouais, mais t'es mou. Mais c'est parce que je suis stressé, mais... Tu forces, mais t'es mou, donc tu forces dans le... Dans le mou? Voilà. OK. C'est important. Là, tu viens de découvrir que le Père Noël est un mensonge calice. Donc, je veux que tu fasses plus. Ouais, okay? Mais c'est parce que je m'excuse. Ouais. Je m'excuse. Action. Ouais, ouais, non, non, mais ça, c'est beau, c'est beau. Tu quoi? Je m'excuse. J'ai pas entendu? Je m'excuse. Ah! Et tu sauras que c'est pas la première que je donne. D'habitude, quand je donne des claques, l'enfant intérieur ressort. Action. Je sais pas de quoi tu veux parler. Tout le monde est libre après tout. Dans un pays civilisé, avec des lois pis tout ce que les grands ont inventé pour mentir aux enfants quand ils grandissent. Le Père Noël existe pas. Quoi? Le Père Noël existe pas! Que tu y crois ou pas au Père Noël, ça te donne pas le droit de porter tes crocs en classe. J'irai jamais en classe sans mes crocs. Écoute, Yann, tes crocs ne sont pas réglementaires. En plus, elles sont trop grandes. Oui, mais c'est mes crocs! Yann, si tu n'enlèves pas tout de suite tes crocs, je te suspends pour 3 jours. C'est où? Parce que je trouve plus la feuille. Non, excuse, t'es pas supposé rire à ce moment. OK, c'est bon. Parce que je trouve plus ma feuille. Ah, ça va mal. Attendez. Celle-là, Damien? Ouais. J'irai jamais en classe sans mes crocs. Tes crocs ne sont pas réglementaires. En plus, ils sont trop grands. Oui, mais c'est mes crocs. Si t'enlèves pas tout de suite tes crocs, Yann, je te suspends pour 3 jours. Ah, oh, suspendu. Suspendu à que je pose... C'est cause que je porte des souliers trop grands. La vie est injuste dans ce gouvernement, cette église, cette école qu'on nous impose par la force et qui devient le refuge de notre propre internement, autant physique que mental. Ce temple du savoir où le cerveau de nos générations futures est absorbé pour être régurgité dans un autre système habité par une civilisation plus avancée que la nôtre qui récupère les données pour son encyclopédie de chromosomes. Excuse-moi, c'était super bon, mais c'était pas dans le texte, je pense. Ouais, c'est moi qui a rajouté ça. Est-ce que j'ai trouvé ça super moyen, mais c'est écrit bon sur le texte. OK. Donc, tu veux-tu qu'on reprenne là où on était rendu? Ah non, c'est fini. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai des sushis qui m'attendent. Est-ce que j'ai le rôle dans Virginie? Ah non. Ah non, ça, je peux pas te dire ça tout de suite. On est comme en processus d'élimination. À ta place, je donnerais ton nom pour être figurant. Tu pourrais passer pour à peu près 15 ans filmé de loin, toi. OK. Et t'es-tu UDA, toi? Ah non. Et... voilà. Il n'y a pas de rythme. c'est zéro rythme, là. Il va falloir ouais, que tu travailles ça. Peux-tu passer ça? Le micro pour qu'ils disent les affaires? Voilà. Ouais, OK. j'ai trouvé que ta performance était plaqué le grain. Puis on sentait pas la vibration du jeune. Tu sais, une crise d'adolescence, c'est fait pour nous amener des émotions à l'écran, tu sais. Hein? Il y avait un panel. C'est les autres juges. Tu sais, les gens veulent pas voir des jeunes improviser avec leur talent. Ils veulent que les jeunes aient des bonnes notes dans Virginie. Donc voilà. Ben, c'est ça, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Tu stop? Mon timing est tout fucké aujourd'hui. Ben, c'est ça quand on demande à d'autres de t'aider. Penses-tu qu'il y avait ce qu'il fallait pour être dans Virginie? Ah oui, ben, vas-y, Jessie. On dirait que t'as piqué le concept à Simon-Olivier Fecteau. Ah ben ça, tu veux, Yann, j'ai trouvé ça excellent. Alors, on va reprendre la session la semaine prochaine, merci. Et voilà! Ah, ça, Brusty. Non, on l'a fait. Bravo, Damien. À chaque fois, c'est éclaté. Il nous en a fait vivre des aventures. Est-ce que tu as un truc, si mettons, moi, je voudrais être dans Virginie, ce serait quoi le meilleur truc? Ben là, c'est parce que Virginie, c'est plus en onde hein, depuis... Ben mettons, Virginie, à Star, là, comment ça s'appelle déjà, ce show-là? 30 vies, 30 c'est ça? 30 vies, ouais. On commence par une machine à remonter dans le temps, si on veut être dans Virginie. Franchement, je sais pas. J'ai été trop longtemps, on dirait, dans l'émission pour juger de... Comment dire? De qui pourrait rentrer ou pas. Hein? Qui ça, non? Non, moi j'étais juste il prof. Était professeur, ouais. J'étais juste prof de français. T'as mais abandonné l'idée de la promotion. Il y en a qui suivent ça. Mais les auditions, ça se faisait assez rapidement. Hein. Et puis c'était. Il y a apparemment la moitié du bottin de l'Union a joué dans Virginie. Fait que si t'as pas joué dans Virginie, là. C'est pas. Damien, il a dit. Tu peux te poser des questions. Ouais, voilà. C'est un message non. À Jean Leloup. Genre. Non, mais. Non, mais je sais, il y avait pas pire, des pas pires textes. Là. Je me demandais si c'était des textes, des parodies de Fabienne, ça, des textes de Fabienne. C'est Fabienne ou, qui m'a appelé. C'est Fabienne qui t'a appelé. On joue au tennis ensemble. OK. La dernière fois, je l'ai planté. Ben oui, OK. Ben jouer au tennis avec Fabienne, c'est peut-être une meilleure façon pour toi de trouver un rôle. C'est con. Merci beaucoup, JC. Merci, Damien. Alors, on s'en va au prochain. Ça groove, hein? Il y a une affaire que j'aurais aimé dire, pareil. Ben, je pense qu'on a une affaire que tu avais très bien, là, c'est les pauses. Là, de... Parce que c'est vrai que, ouais, c'est vrai que dans... Mais ouais, ça... Mais la pause. Ben, ou t'sais, la figure en question ou en point d'exclamation. Mais je te dirais que ça, c'est la première affaire que Fabienne disait de couper à... Moi, j'ai marié la monteuse de Virginie, il faut dire. Fait que je suis au courant de ces affaires-là. Et... La première affaire que Fabienne faisait couper à Fanny, ma blonde, c'était ces faces-là. Ouais. Parce que ça marchait dans les téléromans des années 70, peut-être 80 même, mais à un moment donné, c'est comme si le téléspectateur avait plus le temps de... C'est, au fait, c'est ce moment-là qu'il choisissait pour zapper. Voilà. Et voilà. Alors, okay. Fabienne, c'est juste... C'est instructif? On en a appris ça. Ouais, ben oui. La TV évolue, mais en plus, on est avec Simon Portalance, c'est un de nos fans de télévision ici. Ouais. On est dans la thématique aujourd'hui, les gens. Bon, bonsoir les capotés, ça va bien? Alors, en tout cas, étant donné que le Ramadan a commencé la semaine dernière, j'ai décidé de vous illustrer la vie d'un adolescent, non pas dans une famille musulmane, mais bien chez la famille L'Espérance de Porte-Carpentier en 2002. Évidemment, on va parler de Ramdam. Oh oui! Fait que, dans le fond, ouais, Ramdam, ben tu sais, c'était un peu comme Virginie, mais pour les Ramadan, plus jeunes. OK, I get it. Dans le fond, il y a comme un lien. C'est le karma. Fait que, ouais, Ramdam, ben c'est un peu une version softcore de Ouattatatar, parce que contrairement à Ouattatatar, qui allait jusqu'à parler de drogue, de sida et de viol, Ramdam se contentait de traiter des sujets tels que « j'ai coulé mon examen de français, puis je veux pas que mes parents sachent », ou encore « je veux ma chambre à moi tout seul », ou ben « mon entraîneur de hockey, c'est un mongol », des affaires de même. Qu'étaient à souhait, mais... ô combien divertissant. C'est vrai que l'entraîneur de hockey venait de Mongolie, hein? C'était pas écrit, mais je pense qu'on le devinait un peu avec la manière qu'il agissait. Puis là, il parlait comme ça, là. T'es vraiment capoté. En tout cas, peu importe, je vais mettre mon texte là. Là, attends, là, Bruno, tu te rappelais pour vrai du vrai entraîneur de hockey de Rotterdam? Pas du tout. Okay. Non, mais... Mais moi, je tiens à préciser que j'écoutais pas Ramdam dans le temps que ça jouait. Je l'ai écouté sur le tard en travaillant chez TV5 et Uni parce qu'on le diffuse. Fait que j'ai commencé à aimer ça. Fait que. Aujourd'hui, j'ai décidé. Ben, ah oui, petit fait divers cocasse. À noter que Ramdam est la première série à mettre au premier plan une famille reconstituée depuis la légendaire émission Peau de banane en 82. On n'avait jamais revu ça depuis. Ah ouais, ben tu sais, on en voyait des fois. On n'avait jamais revu ça. Yves Corbeil, le briseur de barrières. Tu jamais revu? Oui. Yves Corbeil, un pionnier, on va se le dire aujourd'hui, là. Ah hein? Oui. C'est important, cet homme-là. Puis moi, un de mes plus grands regrets, c'est de jamais l'avoir rencontré encore. Ose imaginer que ça va arriver d'ici une couple d'années. T'as rien qu'à te tenir chez Corbeil Électrique, là. Ouais, électronique, ouais. Tu vas le rencontrer, je pense. Ben, il doit se tenir entre deux laveuses, quelque chose. Puis on va le pogner là-bas. Fait que, ben, on va rentrer au cœur de la chronique. J'ai commencé par vous faire un petit lexique qui s'intitule « Comment parler comme un adolescent des années 2000 selon l'évangile de Ramdam? » Alors, tout d'abord, on va y aller avec l'expression « beurre de pin ». Beurre de pin qui veut dire beurre d'arachide ou beurre de peanut, okay. Selon... Moi, je voyais vraiment autre chose. Moi aussi. Du smegma? Ouais, exactement. Après ça, on abusait beaucoup de l'expression « aller sur l'ordine »,« ordine ». Ce qui veut dire aller sur l'ordinateur. En 2002, l'informatique, c'était nouveau. On donnait des petits noms cool à ça. Et finalement, sentir le chemu, qui veut dire littéralement sentir la marde. Mais tu sais, vu qu'on était à Télé-Québec, on pouvait pas dire ça. T'sais. Ouais, il disait, ça sent le chemu. Manolo, ton serpent sent le chemu. C'est ça. Bon, à noter que chacun des personnages avait d'ailleurs une maladie récurrente qui était de se retourner et de faire comme... J'espère qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Mais tu sais, il faisait tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Il cassait le quatrième mur solide, mais c'était le fun. Petite mention, il disait souvent le mot capoté. Yeah! Capoté! Capoté! Yeah! Yeah! OK. Yeah! Fait que intemporel, club des 100 watts, watatata, ramdam, tactique, ils l'utilisent tout. T'sais, bande pensante aussi, d'ailleurs. OK, fait qu'on va y aller avec un top 8 des meilleurs résumés d'épisodes de la saison 1. Faites-vous-en pas, c'est des résumés de deux lignes sans plus. Tant mieux, oui. Ça va passer vite. C'est pas comme ça, les gobelets, la semaine passée, que ça avait duré 30 ans. Toi, t'as peut-être développé un intérêt pour Ramdam sur le tard, mais nous autres, on est encore... Ben, je suis en train d'essayer de vous entraîner dans ce bad trip-là. Let's go, man. OK, épisode 14. D'ailleurs, je me suis inquiété servi de la saison 1. Peut-être que je vais faire la 2 une autre semaine ou peut-être l'année prochaine. Peu importe. Épisode 14, une gang de malades. Marianne se déguise en gothique qui lui vaut la peine d'être remarquée par Mathieu, le plus beau gars de l'école. Croyant que Mathieu fume, Marianne veut apprendre à fumer et se retrouve malade face à face avec Mathieu. C'est lui qui a passé il y a 3 jours d'ailleurs. Quant à Magali, elle a rencontré un musicien dans le métro et veut qu'il montre ses talents à Victoria. Non, ce n'est pas un gros barbu dégueulasse, c'est Guillaume le métis vierge. Ah! C'est incroyable! Attention. Un petit barbu dégueulasse. Avec un petit début de barbe, mais il n'y avait pas de barbe dans le temps, mais en tout cas, il était jeune. Attention, si tu fais des jokes sur lui, tu pourrais te faire poursuivre. Oh, on parle de... Ouais... Le mot en... Ouais. Je me prononcerai pas là-dessus, je suis sur Trouble Voir. Bon plan. Je travaille au Trouble Voir, je peux pas me prononcer là-dessus. Épisode 33. À genoux devant vous. Manolo a peur de la bande des bandanas rouges. Pour ne pas aller à l'école, il fait semblant d'être malade. Là, on voit les priorités des jeunes de 12 ans. C'est, hein. Ouais, comme, c'est oh non, la gang des bandanas rouges. C'est quoi ça? C'est des bloods. C'est un club de philatélie. C'est des bloods, ouais. C'est des bloods. Les bloods, ben ouais. Épisode 44. What the fuck? En plus, mes commentaires par rapport au résumé sont improvisés d'ailleurs. J'ai pas pensé. J'ai comme juste copy-paste les résumés. J'ai pris ça que je trouvais drôle. Ça va bien. Épisode 44, Max attaque. Max se retrouve sans appartement. Il se fait héberger chez les L'Espérance Laporte. Le temps de trouver un autre appart et de vider le frigo. Nathan décide de changer de nom pour qu'on ne se moque plus de lui. Hein? Encore des priorités. Tout d'abord, le cliché des ados qui vident le frigo. Hein, on l'a entendu un million de fois. Celle-là, ma mère me le disait tout le temps d'ailleurs. Puis Nathan qui se fait rire de lui. Plus v'là 10 ans, genre. Ouais, v'là 10 ans. Mais dans le temps de ça. Puis Nathan qui se fait carrer. On s'est tous déjà fait faire des petits jeux de mots niaiseux avec nos noms. Tu sais, moi, on m'appelait Simon Porte-Crotte. Aucun. Oh! Même pas de rime, même pas de recherche, juste une joke de crotte, hein? Recherché au bout. C'est celui que tu te rappelles? Ben oui, ben il y avait portefeuille, porte-avions, mais tu sais, c'est crotte que je me suis rappelé parce qu'on se rappelle des jokes de marde. Ouais. Puis c'est drôle aussi. Ben oui, c'est la meilleure forme d'humour qui ne peut pas exister. Dis que ça doit être la première à défaut d'être la meilleure. Ouais, ben c'est les premiers gags. Ça a été des jokes. Ça a été de des pets pis des rottes, c'est sûr. Des pets pis des rottes. Mais ça fait partie du quotidien, hein. Oui. Tout le monde fait ça. Let's go, continue. Épisode là. 64, à la boxe comme à la boxe. 64? Dans une saison, là. Ouais, il y avait 100 épisodes par année. Ah, incroyable, ben oui. Mais vrai. Ah, ben, mais Virginie, il avait 120. Hein. C'est des quotidiennes, ça arrête. Pow! C'est lui qui a gagné! Ben moi, je jouais pas dans Drop Ramdam, fait que tu sais, je le prends pas personnel, là. Je m'en fous un peu. Mais si jamais il y a un acteur de Ramdam qui entend ça, c'est sûr que lui, ça doit lui faire mal au cœur de faire comme... Oh, 20 de plus, on les battait. Télépirate aussi en faisait 120 au Canal Famille à l'époque d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je dis ça. À la boxe comme à la boxe. Monsieur Mongeau, hein, l'entraîneur de hockey mongol, interprété par Dominique Philly, veut que Simon et Antonin se battent en combat régulier à la boxe parce qu'ils se sont battus à l'école. Ça, vous comprenez pourquoi j'ai chialé que c'est un mongol. Là. C'est quand même. C'est comme tu te bats avec quelqu'un à l'école. Hey, c'est un ring, let's go! Ouais, c'est ça. Capote. Selina, de son côté, a laissé s'échapper ses coquerelles expérimentales de leur bocal. Ah, Selina. Hey, ça, sérieux, pour vrai, ça serait comme 10 minutes dans la vie de n'importe quelle famille, mais là, ça devient 20 minutes à la TV. C'est ça. Il y a vraiment une série tout le temps. Épisode. J'ai rien d'autre à dire cet épisode-là. Je trouvais ça juste drôle. De même. Épisode 82, fini les radis. Si Manolo réussit à convaincre Claude de laisser tomber son pari végétarien avec Max, ce dernier l'aidera à faire en sorte que le reste de la famille redevienne à une alimentation normale. Ok, parce que ouais, je comprends. À cette époque-là, on pouvait dire que ne pas être végétarien égale normal, mais aujourd'hui, avec la mode vegan, ça marche plus de même. Ouais, t'sais. Ils ont créé un autre extrême de l'autre bord. J'écrirais ça sur Facebook, j'aurais un scandale. Le lendemain matin, JDM m'appelle, pis tout, tu sais, ça marche pas. C'est fini, cette époque-là. Il y a des affaires qu'on peut plus dire à ça qu'on pouvait dire il y a 20 ans, dont le mot mongol que j'ai osé employer tout à l'heure, mais en tout cas, on en reviendra là-dessus. Y'a rien là, le détestez-moi! Que celui qui n'a jamais utilisé le mot mongol me jette la première pierre. Et un antisémite! Exactement, puis je l'assume. Let's go! Ça achève! Épisode 87, rétroviseur déformant. Pour combler son ennui du au départ de Thomas, Simon joue avec sa piste d'auto. Mais Antonin le surprend et menace de dire à Chloé que Simon est bébé. Grosse intrigue! Ils ont fait 22 minutes là-dessus. C'est incroyable. Moi, je suis capable. J'ai le goût de l'écouter. Je pense que je vais l'écouter. Ouais, c'est la meilleure insulte quand même. Épisode 88. Simon face à son vaccin. Simon veut échapper au vaccin qui l'attend le lendemain à l'école. Il prend les grands moyens pour attraper le rhume. C'est logique. De son côté, Manolo cache un talkie-walkie dans la chambre de Selina pour glaner des informations sur le concours scientifique. Mais Selina et Penelope parlent d'un tout autre sujet. Un gars rencontré sur Internet en 2002. Hein? C'est à jour son époque. Ça vient d'arriver puis il en parle déjà. C'était vraiment une série quand même avant-gardiste, faut se le dire. Puis dans ce temps-là, l'Internet, c'était pas super safe pour rencontrer du monde contrairement non, aujourd'hui. Pas tout. Tu sais, t'avais pas Facebook. ASV, avec des photos, man. Non, c'était des pseudonymes, ASV, ICQ, puis tout. Épisode 89, la maturité. On n'a pas encore fini. Ça achève, c'est mon dernier. Okay, c'est bon. Pour que Max. Le... Ok, la maturité a bien meilleur goût. Jeu de mots très subtil. Pour que Max le considère mûr, Manolo boit de la bière. Évidemment, Claude, son père, n'est pas loin. Mathieu et Marianne ont des mots. Pour la première fois, ils se disputent. Une petite chicane de coupe, hein? Ça arrive dans la vie des adolescents aussi. Fait que, avant de m'en aller, j'aimerais faire un petit fait divers amusant. Il aurait été prouvé par une équipe de chercheurs du Club des sciences qu'il y a une chance sur 10 que vous soyez en présence d'un acteur de Ramdam, et ce, peu importe l'endroit où vous êtes. Gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais. Merci, bonne soirée. Ouais, merci, Simon Portalance. Ah, si c'est 1 sur 10 pour Ramdam, ça doit être comme... C'est score pour Virginie. Pour Virginie, c'est 1 sur 4, je pense. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en aurait d'autres ici, des acteurs de Virginie. Ouais. Hey, je pense qu'avant la pause, on va en faire un autre, un petit dernier. Ouais, ouais. Ah, avec Alan Smithy. Salut, malaise. Ouais. Malaise. Ah, je l'aime, moi, lui. Ouais. Allez, let's go, on passe à un autre chroniqueur. The pressure makes me scream. My sweat begins to steam. Rambo, Rambo. I hear the battle cry. Rambo, Rambo. This time I'll win or die. Rambo, Rambo. Hey, on a un clown avec nous Rambo, autres, un beau clown. Rambo. Ah ouais, dans un clown, est-ce que c'est? La chanson Rambo de Wayne Scott, esti, hein, de l'Italo Disco. C'est drôle en tabarnak, ah, la graine. C'est assez glorieuse. Parce que... Avec des bruits d'hélicoptère. Ah ouais, pis des gars qui font... Ouais, parce que moi, graine, je me suis tapé Rambo 3 des derniers jours, Commando pis The Expendables 3. Et je crée ce que je t'ai bien, le grain, man. Ça, c'est des vrais hommes. Ça, c'est des vrais hommes. Puis en même temps, ben c'est pour souligner hein, l'anniversaire de mon grand chum Toto, hein? Parce que Rambo, c'est le plus grand vecteur de liberté hein, de l'Amérique. C'est le grand patriote américain d'origine indo-germanique. John Rambo. Ah, merci. Ça, ouais, ça, il est ça va survivre à n'importe quelle inspection, ce que tu veux dire. C'est un vrai indo-germanique, hein? Oh, oui, ça, oui. C'est un vrai. Ça. Fait que, bonsoir, la gang! Êtes-vous de bonne humeur? Ouais! Mais c'est une gang de moutons. Qu'est-ce que vous... Ils comprennent pas, ce monde-là. C'est qu'ils sont pas vite. En tout cas, bonsoir, Pierre. Bonsoir, Tommy. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Jean-Claude. Ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Ouais, comme vous pouvez voir, hein, les amis, chers public, moi, je suis en mesure de faire des imitations quand même pas pire. Je faisais Jean-Claude Pénard, hein, pour ben ceux oui, qui s'en souviennent. Oui. Bonsoir, ici Jean-Claude Pénard. Bon, fait que, sinon, moi, Chris, si, je parle pas de même, moi, je parle comme ça, là, si, je parle pas comme un cave, moi, calice, voilà, là, aussi. Hein, Chris. Fait que, parlant de Pénard, avant que je débute ma chronique... moi et puis un de tes anciens colocs, ex-colocs, Marc-André de son nom, on a inventé deux termes récemment à propos de Tinder, puis Badou, puis les affaires de rencontres sur l'Internet. Puis parlant de peinard, ben les femmes qui passent beaucoup de temps sur Badou, Tinder, elles peinardent. Ben, c'est les fifs et les femmes. Puis, ben les gars puis les gouines, eux autres, ils vaginent. Pénarde et vagine. C'est pour vrai ça ou t'inventes ça? Là? C'est nous autres qui inventons ça. On espère vrai. Populariser ça. La prochaine fois que quelqu'un te le demande, tu dis ben oui, pour vrai. Ben oui. Ben oui. Tu sais, Chris Godette, Jean-Sébastien, il a inventé le terme Gino avec ses chums, c'ti, en 91. Oui. L'esti. Oui, oui. Ben Chris qui raconte n'importe quoi, cet esti de Marion Marde-là, moi, il y a un chier, Chris. Ah, en tout cas. Originalement, j'étais venu ici te parler de ma nouvelle meilleure amie, Naomi Dufresne. Peut-être que certains la connaissent. Ah, lui, il la connaît, c'est, hein? Sinon, j'avais comme pour idée de venir parler de pompe à pénis, parce que, comme la semaine passée, j'ai un lot de sex toys donné par une de mes girdas qui travaillait dans un sex shop, puis elle avait du stock over, puis elle a décidé de faire une donation. Puis là, ben j'avais idée d'amener la pompe à pénis et d'en parler, puis là, fuck off, j'ai amené le kit de la slot. En tout cas, vous verrez ça tout à l'heure, c'était à Lacan. C'est le vraiment le nom de la chose, c'est the Wall of Shame Kit. Ça contient tout ce que vous pouvez imaginer pour une petite soirée tranquille avec un inconnu, puis en tout cas. Il y a bien des babelles dedans. On va vous montrer ça tantôt. D'accord, d'accord. Le fuck that, asti, on a le grand JC Penard avec nous autres, asti, le grand. Le grand, t'as pas changé, pas à tout, asti, tu vieilles plus. T'as encore les cheveux poivre et sel, asti, les lunettes, t'es pareil, tu vieilles plus, t'es Chris. T'es pareil. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ben, ta voix a changé un peu, là. Tu parles plus pareil, c'est bizarre. En fait, si tu veux le savoir pour vrai, le... Ça t'intéresse-tu? Oui, Chris. Oh, on est là pour ça. Non, c'est que Jean-Claude Pénard, c'était un take-off sur un vrai journaliste de TVA qui parlait tout le temps en chantant, qui s'appelait Michel Guénard. Michel Guénard, Ottawa. Ottawa. Alors, tous ces reportages, c'était la même chanson. Et, moi, je me suis bien limité, puis, mais je me suis tanné de ça parce qu'à un moment donné, je faisais des gros « mais ». Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, ben oui, mais. Parce que j'énonçais quelque chose, je disais « mais ». Puis là, on a fait 172 shows dans la même année, puis à un moment donné, j'étais comme « Chris, tout le monde imitait le « mais ». Là, je me promenais dans les corridors à TQS, puis tout le monde me beuglait « mais ». J'ai fait « moi, je veux-tu être associé à ça indéfiniment ». Je pense que t'es en train de travailler pour que ça arrive. On y en fait un beau, là. Hein? Ça, 3, 2, 1. Mais! C'est quand la dernière fois que tu as pris la voix de Jean-Claude Pénard? Ben, c'était un reportage de Jean-Claude Pénard. Parce qu'après, j'ai fait ce personnage-là sur scène pendant mon premier show, je le faisais. Mais c'était un personnage d'actualité, fait que, tu sais, comme il m'a donné un show... Moi, j'ai lâché Sans Limite pour faire mon premier one-man show. Fait qu'en one-man show, tu voulais pas être avec les jaunes, ou... Hein? Tu voulais pas être avec les jaunes? Bananes! Non, moi, je voulais faire du show sur scène. Je voulais être avec du monde. La télévision, c'est le fun, tu sais, mais m'a donné... c'est une job, hein? Puis rire, j'aimais ça, mais rire de 10h le matin à 10h le soir, parce que Sans Limite, c'était de l'ouvrage. C'était 4-5 jours par semaine... Puis c'était rire tout le temps, puis c'était devenu une obsession. Puis au bout de 172 shows, je me suis fait offrir par la gang de Juste pour rire de faire du one-man show. Puis là, ils me disaient « Yes, là, on écrit un show, puis on le fait, puis on le rode, puis bon. » Mais bon, tu sais, les deux, ça peut être un choix de carrière. Là. Mais moi, j'aimais la scène, puis je voulais faire de la musique, puis je voulais faire d'autres choses que... T'es tout le badou, t'es Chris. Je peux comprendre. Merci. Ouais, c'est ouais, une belle petite histoire, ça, mon Dieu. Certain. Fait que pour faire honneur à JC, hein, j'ai décidé que je vais faire un top 3 des hommes qui ont eu la plus belle coupe Longueuil que j'ai admiré longtemps puis qui vient du Québec. En fait, le top 3, le titre est plus long que le top 3 lui-même. Oui. Crème. Hein? Quasiment. Parce qu'il a rendu long de 6 mots. Sacrément. En tout cas. Numéro 3, Denis Talbot. Hein? Lui, ce gars-là, il était too much en esti de grand. Lui, là, le grand Talbot, là, les aventures du grand Talbot, c'était cool en esti, ça. Je sais pas si tu t'en souviens, toi, t'es assez vieux. Oui, ouais, toi, ouais, t'es assez ouais, vieux, ouais, t'en souviens. Ça avait absolument pas rapport avec Musique Plus, mais... Non, mais Chris, c'était un esti de bon show. Ouais, ouais. Il y en avait une Chris de belle, lui, une coupe Longueuil. Il avait le toupette crêpé un peu, les cheveux jackés des airs du spray, puis une belle coupe Longueuil, là. Elle était comme twistée un peu, là. Ah, c'est-tu qu'elle était belle. Moi, j'aime ça, les coupes Longueuil, là. Ah, ben, écoute, je te suis. S'il y en a qui sont contre ça, mangez toute la merde, là, c'est, hein? Non, ça va revenir en mode, c'est comme n'importe quoi. En tout cas, fait que Denis Talbot, hein, il était reporter, style à Musique Plus, animateur, aventurier, parce que c'est les aventures du grand Talbot, gamer. Puis là, cette année, Steve, là, quelques mois, il y a que du monde qui chialait. Hey, Steve, ils vont canceller Monsieur Net. Hey, des caves. Moi, ça fait 20 ans, Chris, que je veux avoir les aventures du grand Talbot, Steve. C'est qui le cave? Écoute, hein, chacun son deuil. Calice. Je me disais, chier, moi, Chris. Moi, j'aimais ça, puis ils m'ont jamais écouté. Ben ouais, ils m'ont envoyé plein de lettres, Chris. Enlevé. Pas ça, numéro 2, ben, c'est Jean-Claude Pénard, c'ti. Hein? Toi, t'avais les cheveux courts, puis t'en avais une belle, là. T'avais les cheveux courts partout dans le temps de Metropolis. Non, j'ai ou dans le temps de ton one-man show, t'avais une coupe longueuille. Sérieux, toi? Ah, une Saint-Basile-le-Grand, peut-être. Moi, t'as fumé. Saint-Hyacinthe, on sait pas. Quoi tu coupes? Ça, t'en avais une belle, le grand. En tout cas, c'est pas grave, Asti, hein? Toi, t'étais un multidisciplinaire. Je suis curé, je suis insulté, ben. Journaliste, humoriste, troubadour, animateur, comédien, politicien. La cour est pleine. Calisse, le grand. Moi, là, quand j'étais petit cul, là, pis que j'écoutais Metropolis, là, ouais. Parce que moi, je me souviens d'être ça, le grand. Ouais. Pis, Asti, moi, je t'ai vu partir, Asti, de sa limite. Pis, j'ai fait, hey, ce gars-là, là, ça, c'était un success story, tabarnak. Il est dans la grande ville, à Montréal, Asti, dans le Metropolis, pis il anime un show, Chris. Ça, là, ça m'a aligné, Chris, pour aller dans le showbiz, le grand. En Asti, pis c'était un Chris de bon show. Ah, t'es fin de rappeler, tu sais. Pis en même temps, là. C'est un des moments de la télé québécoise les plus malaisants de toute l'histoire qui s'est passé avec lui. Capitaine Bonhomme. Le Capitaine Bonhomme, astie. Moi, là, j'étais crampé ben raide quand il a fait son affaire parce qu'il a le don d'exagérer, ce gars-là. Puis là, il a fait une crise de cœur, astie. Puis moi, j'étais crampé. Je dis, voyons, il est bien capoté, astie. Ben, tu sais, quand on se demandait si c'était une joke ou pas, là. Ben, c'est ça, je m'en allais te dire, astie. Ben oui. Qu'est-ce que tu pensais, toi? Ben, moi, je savais pas parce qu'on l'avait pas fait répéter l'après-midi parce que lui, là, c'était une sommité, là. Michel Noël, on l'a pas fatigué, il est resté dans sa loge. Fait que le soir, quand je voyais son numéro, on était en direct, puis c'était la première fois que je le voyais, moi, avec. Puis là, j'osais pas dire Monsieur Noël, Monsieur Bonhomme, tu sais, je voulais pas détruire. T'as coup que c'était dans son numéro. Mais là, ça n'a pas été long que ça a été réalisé qu'il y avait quelque chose. J'ai fait, y a-tu un médecin dans la salle? Yeah. Bonne réaction, je pense. Ouais. Au moins, il est pas mort. C'est au moins. Moi, hein? J'étais certain qu'à un moment donné, le monde dirait. Ben, sinon, il aurait bien cancellé ton show. Hein? Sinon, il aurait bien cancellé ton show. Ah non, de show, moi, je l'aurais pas cancellé. En direct. Tu fais de la TV avec un mort. En direct. L'année d'après, on n'était plus en direct à cause de ça. Mais ce que quelqu'un m'a expliqué, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est qu'apparemment, ils ont coupé l'émission. On était en direct, ils ont coupé, puis ils ont mis une émission de quoi? Marcus Welby, qui faisait une opération à cœur ouvert. Oh! My God! My God, non, c'est, mais... C'est comme vraiment double dans malaise, la suite hein? Des idées. Double malaise! Double malaise! C'est comme vraiment le même rayon aussi. Là. Tu t'écoutes un show de variété, puis finalement, t'as une opération à cœur ouvert. Double malaise cardiaque, Ah, puis, en tout cas... Toi, là, t'es passé de drôle à moins en moins drôle. De moins en moins drôle. Je trouve, en tout cas, avec les années. Tu sais, Pénard, t'es commencé humoriste, après ça, animateur, ouais. Comédien, ouais. Humoriste, je veux dire, politicien. C'est pareil. Là, t'es en train de faire 360, toi, le grand, t'es capoté, c'est t'es malade, c'est-tu. C'est-tu que t'as pas d'allure, le grand. En tout cas, fait que là, on va finir avec mon number one. Vas-y. Daniel, avec son beau mulet blond. Son violon, sa petite chemise noire, pis son pantalon blanc cassé. Violonneux Daniel, hein? Y es-tu beau et talentueux, violonneux Daniel? Hey, c'est toi, esti. Violonneux Daniel, t'es beau, esti, que ton pantalon blanc cassé, pis ton beau mulet blond. C'est la chemise blanc cassé et des jeans chemise. Droits. Ah, en tout cas, il est capoté en esti, lui. Fait que... That's it, esti, hein, j'aurais pu padder ça, hein, parce que un pad, ça s'appelle un pad, une coupe longueuille aussi. J'aurais pu pad, c'est un inside, hein. Oh oui, continue, on suit. Fait que j'aurais pu padder ça avec un top 5. Quoi, padder déjà, excuse? Padder, c'est rajouter du stock. Arrête. OK. Parce que je pensais que t'étais pas intelligent, Bruno. Je me suis dit des fois, Bruno, il est pas si vite, là. En tout cas, fait que j'aurais pu parler ça avec Guillaume Lepage, des joueurs de hockey des 90s, mais là, moi, j'ai bien mieux à faire que parler, continuer avec vous autres, Asti. J'ai déjà sacrifié assez de mon temps pour asseoir. J'ai des gueules de aller satisfaire avec mon gros chef, ma crise de grand Éric Carmen, tout le monde, Éric Carmen! Mon gros cerveau! Ah, sapristi. Ça nous amène. On est passé la moitié du show. Il nous reste trois chroniqueurs et bien sûr le dernier bloc de Bruno et notre invité qui va faire de la musique. Ce qui va nous amener à notre petite pause de milieu de programme. Est-ce que Chinook est dans la place? Chinook, le seul et unique et meilleur danseur radiophonique de tous les temps. On va avoir deux chansons. C'est nos techniciens qui nous offrent quelque chose de particulier. Je sais pas trop vers quoi on s'en va dans cette pause. Allez pas trop loin. C'est le temps d'une excellente cigarette ou d'aller faire le plein de bière. On se retrouve ici dans même pas 10 minutes. Merci encore à JC Lauzon, mesdames, messieurs! Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Pour notre pause musicale, on a une demande spéciale du fêté. Alors, Toto, celle-là, elle est pour toi. Illégal. Tu m'as fait des bêtises dans les rues de Montréal. Quand il faut que je me maîtrise, tu me fais piquer des crises. Illégal. Là, tu dépasses les bornes. Quand tu me dis que je suis pas un homme. Quand je suis sur le bord des larmes. Puis faut que je me la ferme. Faut que tu... Que je te dise un secret. C'est toi qui me fais de l'effet! Illégal. Quand tu me pitches en pleine face, faut toujours que j'avale. Comme si c'était normal. Illégal! Quand tu prends... Tu me ronges l'épine dorsale, toi et mon organe vital. Faut-tu que je te dise un secret? C'est toi qui me fais de l'effet. Pause musicale. Je sais pas combien de temps qu'elle dure. Mais on va se rendre. Parce que c'est juste pas légal. C'est... illégal. Tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal. Quand il faut que je me maîtrise. Tu me fais... Ah! Quand il faut que je... Ta cause, c'est comme une overdose. Tu me ronges l'épine dorsale, toi, mon organe vital. Faut-tu que je te dise un secret? C'est toi qui me fais de l'effet. C'est toi qui me fais de l'effet. Faut-tu vraiment que je te dise un secret? Y'a rien que toi pour me faire de l'effet. C'est pas légal. Nick Davion, mesdames et messieurs! Je me réchauffe, je peux pas froidir. Tu me fais tourner en rond et en rond. Rond et rond, où c'est que ça va? Où c'est que ça s'arrête? Personne ne sait. À chaque fois que t'appelles mon nom, je me réchauffe comme une flamme qui brûle. Flamme qui brûle, pleine de désir. Oui, bébé, laisse le feu monter. Abra, abra, cadabra. M'en va t'attraper pis te pogner. Abra, abra, cadabra. Abra, cadabra. Tu me réchauffes, tu me fais soupirer. Tu me fais rire, tu me fais pleurer. Tu me fais brûler pour ton amour. Avec la touche d'un camp de velours. Abra, abra, cadabra. M'en va t'attraper pis te pogner. Abra, abra, cadabra. Abra, cadabra. Je sens la magie dans tes caresses. Je sens la magie quand je touche à ta robe. La soie du satin, toutes sortes de tissus. Des bobettes noires avec une face d'ange dessus. Je sens la magie dans tes yeux. J'entends la magie dans tes soupirs. Jusqu'à que je pense que je vais pouvoir me sauver. Tu dis ces mots-là que tu dis tout le temps. Abra, abra, cadabra. M'en va t'attraper pis te pogner. Abra, abra, cadabra. Abra, cadabra. À chaque fois, t'appelles mon nom. Je me réchauffe comme une flamme qui brûle. Flamme qui brûle, pleine de désir. French boy bébé, laissons le feu monter. Yeah, yeah, yeah. Là, c'est le bout où est-ce qu'il y a de la musique. Il y a 22 mesures. M'en va t'attraper pis te pogner. Abra, abra, cadabra. M'en va t'attraper pis te pogner. Là, chante pareil, là. Abra, abra, cadabra. Je me réchauffe. Je peux pas froidir, ma situation va. Je me réchauffe, je peux pas froidir, ma situation va. Je me réchauffe, je peux pas froidir, ma situation va. Ma situation va round and round en tout cas. On a Alan Skitty avec nous. Je me réchauffe, je peux pas froidir, ma situation va en rond et en rond. Je me réchauffe, je peux pas froidir, ma situation va en rond et en rond. Je me réchauffe, je me réchauffe, je peux pas froidir. Ah. Ah, merci beaucoup à nos deux techniciens de ce soir. Nick qui est en train de former Jonathan pour qu'il vienne prendre la relève. C'est mieux dans un groupe de ne pas avoir d'indispensable. Pensez à ça la prochaine fois que vous faites un voyage à quelque part ou quoi que ce soit, un travail d'équipe. Un indispensable, souvent, ça devient quelqu'un après qui il faut attendre. Et ça, c'est pas nécessairement la meilleure manière de procéder. Vous êtes encore à 70%. Mon nom est toujours Tommy. On vient d'écouter en fait deux chansons en karaoké parce que à la fin de la journée d'habitude on chante des chansons et voilà, la lumière nous est reviendue. Il nous reste encore trois chroniqueurs, peut-être deux parce que depuis 4 ans je me suis remis à écouter. Mais là avec la politique, j'ai moins le temps de suivre ça, fait que je... Quoi, t'aimes-tu le hockey, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, je sais pas, on jase, là. Ben, moi en fait, je te dirais, le hockey professionnel et la religion catholique, c'est les deux institutions envers lesquelles j'ai le plus rapidement perdu autant d'intérêt. Oui, OK. Moi, je viens d'un village en banlieue de Val-d'Or, fait qu'il y avait un curling, puis il y avait une église dans le village, fait que j'ai servi à maître jusqu'à 14 ans. Ah, OK, puis comme moi. À un moment donné, j'ai perdu mon temps, c'est assez. et puis là, ben, le hockey, je te dirais, quand ils ont vendu la Coupe Stanley aux States, au Colorado, ça m'a fait mal, tu sais. Joe Sakic, voilà. Mon Dieu, Joe Sakic. Ouais, ça, c'était Colisée. Hein. C'est, moi aussi, j'ai la mémoire qu'il faut. Parce qu'à Val-d'Or, tu prends pour les Nordiques parce que c'est plus proche. Je pense pas que c'est le même temps. Je pense pas et que ce soit plus proche et que ce soit vrai. Bon, ben, je pense là-dessus... Comment ça va? Sinon, toi, sur ton 70%, c'est ton premier. Oui, ça va très bien. Tu vis ça c'est smooth? C'est relax. Là. Le monde est le fun. Et voilà, c'est ça. L'ambiance est sympathique. Ça score. Quoi dire? J'ai pas trop compris les nouvelles. Là. La bière. Je reviendrai sûrement l'an prochain. OK, au plaisir. Ouais, ouais, je reviendrai. Ben, non, ouais, tu vas être rendu monsieur le député, là, ça va être important. Ah, mon ça, Dieu, je le souhaite bien. Ça veut dire que je vais avoir gagné. Tu vas avoir un budget discrétionnaire. Aïe, aïe. Ouais, puis on va pouvoir encourager des PME comme, ouais, et voilà. comme ici ce soir. C'est un beau projet où le monde peut s'exprimer puis dire qu'est-ce qu'il pense. Puis, c'est pas mal. Sait, c'est ça, hein? C'est pas mal le fond de l'histoire, ouais. C'est le fond de l'histoire. C'est super sympathique, notre invité. Applaudissez-le encore, s'il vous plaît. Ah oui, ah oui. Vraiment, là. Je pense que là-dessus... Salut, Mathieu. On passe au prochain, mon cher tech. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? C'est mon cul sonné. Qui veut la job à tous les Québécois? C'est mon cul sonné. C'est mon cul sonné. C'est mon cul sonné. C'est mon cul. J'en ai battu mes filles. J'en ai touché avec. Tu veux voir ma bille? L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Sur une magnifique musique de Joe Dassin, donc pour la fête de Toto, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Sur l'album J'aime les fleurs par Joe Dassin. Alors, ah c'est cool, t'es là. Ah c'est, bah c'est pas, c'est correct. Voici Caroline, mesdames, messieurs. Mon accessoiriste optique c'est, parce que si j'ai tu me permets, Simon, Caroline, c'est une bénévole importante à Douteux. C'est notre spécialiste graphique. C'est elle qui a fait les belles images qu'il y a là-bas, un petit peu partout, en fait. Ouais, c'est important. On l'applaudit jamais pour ça. Mais voilà, c'est fait. Merci Caroline. Merci Simon. Désolé, je te coupe. Non, c'est correct, c'est correct. La semaine dernière, il y avait Bono à Ottawa. Hein, Bono, le Saint-Pape Bono de U2, comme on dit, représentant de l'Église du rapport bucco-anal, dont les armoiries sont en latin in lingua mea asinus tus, hein, ma langue dans ton. J'ai décidé d'aller vers un élan de paix plutôt que de déféquer allègrement sur le dernier produit américain, Jurassic World. Mais là, il est parti, il n'est probablement plus en sol canadien. Du coup, bah, il va falloir que je déverse toute ma haine sur ce film que j'ai vu très récemment. Hey, Jurassic World, là, je peux t'arrêter. Oui. Là. Il y a un hélicoptère dans ce film-là. Hein? Ouais, et figure-toi, attention, accroche-toi à ton cul, il y a même des dinosaures. Ah, ok. Fais gaffe. Ouais. Est-ce que l'hélicoptère explose? Est-ce que l'hélicoptère explose est une question rhétorique? Ouais, j'avoue. Alors, Jurassic World. Alors, j'ai eu beaucoup de potes qui m'ont dit ouais, tout ça, Jurassic World, tout ça. Je dis c'est comment? Ils me demandent c'est comment? Je dis bah en soi c'est pas forcément mauvais. J'avais mis 4 sur 10, mais j'ai mis 5 parce qu'au final c'est ce que j'appelle. Il y a une expression française pour ça qui s'appelle. Qui n'est autre que bien mais pas top. C'est bien mais pas top. C'est beaucoup d'effets spéciaux. C'est je sais pas, j'en sais rien. Quand je commençais à leur raconter le film, ils me disaient « Hey, arrête de nous spoiler !» Puis je dis « Mais attends, mec, tu veux que je te spoil quoi sur Jurassic World ?» C'est un peu comme demander un boob job à Janine Suto, t'y vas pas pour ça, quoi. Et donc... Un boob job ouais, qu'est-ce qu'il y a ouais. Ah, faut que je le lise devant tout le monde. Excusez, c'est le direct... Jonathan Simon, technicien de la soirée, vient d'amener un mystérieux colis à notre chroniqueur. Une missive. Une missive, exactement. Ah, ok, c'est une lettre de la NSA. L'NSA. Ouais. Notre expert va vérifier, c'est bien ça? Notre expert. Ouais, avec le... Il y a le saut pis tout, là. Et faut que je la lise devant tout le monde, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, alors excusez. Monsieur Cussonnet, le 22 juin 2015. Monsieur Cussonnet. Ouais, ils sont poussés au cul, hein. Au nom de la National Security Agency, communément appelée la NSA, je me permets d'intervenir pendant votre chronique dans le cadre du podcast 70%. Putain, ils sont bien informés. Ils sont right on, hein. Aujourd'hui étant la date anniversaire de la naissance de notre citoyen le plus dévoué à l'extérieur des États-Unis, j'ai nommé monsieur Antoine Lavigne, dit Toto le remueur de frites libres. Nous vous sommons sur l'instant de changer l'angle de votre critique sur notre dernier produit cinématographique. Oh, sapristi! En effet, nos agents nous ont apporté votre intention de dénigrer publiquement ce dernier, comme vous l'avez vous-même évoqué lors de votre chronique du 15 juin 2015. Écoute, oh, 70%. Ça tire des ficelles, ça? Si vous ne vous pliez pas à cette obligation, nous livrerons publiquement via internet tous les détails de votre implication dans l'orgie de l'hôtel de ville de Montréal en juin 2014, qui, je vous rappelle, a fait 5 morts et 3 blessés, dont 2 graves. Mais tu viens, moi, en tout cas. C'était bout de là, t'aurais été mieux de pas le lire. Non, mais ouais, je sais. Ah, putain. Ah. Nous vous rappelons que le premier amendement américain protège votre liberté d'expression à seule condition qu'elle soit filtrée et contrôlée par les soins de notre organisme. Merci de votre collaboration, Heil Hydra, Amiral Rogers, CEO de la NSA. Ah, mais moi, je suis baisé. Je fais quoi? Ben, essaye de dire le contraire de manière ironique. Dis que c'était vraiment excellent, le film. Attends, je sais pas trop, là, j'ai des papiers. Bon, je vais relire, je vais faire comme le karaoké, là. Je vais lire au fur et à mesure, puis je vais changer mon angle narratif. Est-ce qu'en régie, les copains, on a un truc bien ricain des familles? Vas-y, fais voir. Oh yes, c'est bon, ça, j'aime ça. Ok, je vais mettre une tribune parce que, hein, démagogie oblige. Pour la NSA, c'est pour vous, hein. Jurassic World est un produit du génie américain, tel que le Segway, les Crocs ou encore l'agent Orange. Avec un synopsis aussi simple que le texte d'un bulletin de vote pour Jeb Bush, il ravit les jeunes de 5 à 99 ans, sauf si le cancer du gras et le diabète les emportent avant, bien évidemment. Ah, ces jeunes communistes! Attendez, ah oui, j'en entends qui clament déjà « Hey, ne me spoil pas, esti divulgachar !» À ces jeunes communistes, je répondrai ceci. Même si le scénario glisse tout seul dans le cerveau tel un burger au bacon de l'intestin grêle, l'intrigue, elle, reste dense. Je me permettrai même de rajouter à l'attention de ces sales rouges, n'as-tu pas des patates à récolter avec tes mains sales dans ton colcose plutôt que d'aller au cinéma? Et oui, l'intrigue est dense. Comment vont donc bien s'en sortir les deux jeunes héros blancs américains du film, Zach et Gray, envoyés par leurs parents en instance d'un divorce, dans ce parc peuplé de dinosaures? L'un est caféinomane de 13 ans, incollable sur les dinosaures, et l'autre, un adolescent de 16 ans au duvet délicat, omnibulé par son devoir de reproduction de l'espèce humaine américaine! En effet, le suspense est insoutenable à plusieurs moments de la projection, comme à ce moment où Dieu les envoie pile dans l'endroit où le méchant du film, un tyrannosaure djihadiste du nom de Ben Indominus Rex, est en train de comploter contre les intérêts américains de l'île. Car oui, les intérêts commerciaux américains sont réellement présents dans l'île de Isla Nublar et apportent encore plus de liberté et des retombées prometteuses pour l'économie du Costa Rica. J'ai entendu des jeunes anarchistes se plaindre du placement produit massivement visible dans cette publicité de 2h30 pour Verizon, Mercedes, Beats by Dr. Dre, Starbucks, Mercedes, Verizon, Samsung, j'en ai oublié, attendez, Mercedes. Le fait de voir plus de produits dans ces compagnies que de dinosaures n'est autre qu'un petit coup de pouce à ces jeunes compagnies qui débutent dans le domaine fortement concurrentiel du café, de l'automobile et du marché émergent des ondes internet non cancérigènes. Retournez donc à votre artisanat de colliers de betteraves et laissez cette jeunesse américaine ambitieuse s'établir, messieurs dames. D'ailleurs, Jurassic World, c'est aussi une démonstration magistrale de capitalisme, une manière de prouver que l'ultralibéralisme est encore dans la place, bitch, comme diraient les jeunes pratiquants de la musique de rue américaine. Américaine, oui. En effet, quel autre mouvement économique serait capable de vendre du rien à des millions de gens et de récolter au passage 981 millions de dollars, montant des recettes mondiales du box-office à ce jour? D'ailleurs, je soulignerai là la magnifique mise en abyme du film. Oui, les spectateurs du film, à l'instar des visiteurs du parc, viennent s'entasser les uns sur les autres et donnent leur dernier denier accumulé sur un bout de salaire pour dépenser pour voir des dinosaures plus grands, plus beaux, plus féroces, plus américains, le tout en grignotant plein de mets raffinés comme le pop-corn au gras, les glaces et le hot-dog au bacon et à l'amiante. À l'image de l'Amérique, ce film donne sa chance à tout le monde. La preuve en est par la semi-omniprésence à l'écran d'un homme issu d'une minorité visible aux côtés de Chris Pratt. Non seulement noir, cet individu est aussi français. Bouh ! Vogel, il s'appelle Omar Sy et vous l'avez déjà vu dans X-Men, une autre production de hollywoodienne de qualité. Et pour vous prouver que nos voisins états-uniens sont en perpétuelle évolution éthique et travaillent chaque jour à corriger leurs erreurs passées, ce personnage ne meurt pas à la fin du film. On y voit un plan, ta gueule, on y voit un plan magistral du personnage de Claire Deering, une rousse d'ailleurs, ce qui appuie mon point précédent. Devant attirer l'attention du Tyrannosaurus Rex afin de l'aider à détruire la menace djihadiste organisée par le Ben Indominus Rex. Dans une composition époustouflante, en slow motion, habillée en tailleur, elle court en talons aiguilles sur un sol mouillé avec une fusée de détresse dans la main droite levée dans les airs, créant aussi la parfaite fusion entre la femme moderne et la symbolique statue de la liberté. Pour terminer mon apologie de ce diamant pur de cinématographe hollywoodien, je divulgacherai peut-être une fois de plus, en vous annonçant que les héros du film survivent tous et finissent en bonne santé. Mais sachez que lorsque j'ai vu toutes ces familles rescapées du parc se réunir et se serrer fort dans leurs bras, et que j'ai senti une lueur d'espoir ainsi qu'une larme courir le long de ma joue. Ce même espoir dont nous avons besoin pour défendre la liberté, chaque jour que Dieu fait, dans chacun des pays de ce monde libre, contre les menaces incessantes des ennemis de l'Amérique, si nombreux aujourd'hui, et encore plus demain. Et comme on dit dans les pays libérés, God bless you, God bless Antoine Lavigne, et surtout, God bless America! Tommy, je viens de me trouver un remplaçant, Carlis. Ah oui, hein? Tu vas pouvoir lui montrer comment être libre, bien comme faux, là. Merci, Simon Cussonnet, c'était de toute beauté. Ça, apprécie. Il y a une affaire qu'on n'a pas. Il y a une affaire qui est arrivée cette semaine qu'on n'a pas encore parlé. On arrive vraiment à la fin du show. T'as vécu ça comment, toi, le E3 et le fait qu'il va y avoir Final Fantasy VII refait en HD? J'ai vécu ça de façon très, très smooth. On n'a presque pas parlé. Mais... ça va être quelque chose. De quoi tu parles? Non, j'aime ça d'essayer de me faire plaisir, non, mais, j'aime beaucoup ça. Oui, non, moi, je suis encore pogné sur délivré, je ne mentirai plus jamais. La reine des glaces, c'est ceux qui ont des enfants, ils savent. Y a-tu le monde qui a des enfants ici? Ah, y en a deux. Ou vous êtes, ah, trois. Ah oui. Vous êtes tous des enfants, quoi. Fait que. Ouais, on va aller au prochain chroniqueur. Allons-y. Let's go, au prochain. Prochain. C'est en si. Non, c'est pas en si. Non, c'est pas en si. Ouais, c'est en si. Maudit, j'ai l'oreille semi-absolue. Surtout que c'est toi qui as fait la tourne. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Do, en do. Oui, c'est vrai, c'est en do. C'est vrai, c'est en do. Ça rappelle. Et ça... voilà. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. What's happening? Salut. Ben bonjour monsieur Lauzon, bonjour GC. Écoute, moi le parti vert, j'en fume depuis longtemps. Fait que... Let's go. Moi j'en mange tout le temps. Ben c'est ça, c'est ma mère est dans la salle, fait que c'est une blague. C'est malade. Merci, salut. Non, regarde, cette semaine, c'est assez hard. Tu me connais. Ben oui, Mathieu. Et tu me connais avec un S. C'est une sortie père-fils que j'ai fait. On a passé la semaine au Francofolie du Montréal. Le Montréal que j'apprécie beaucoup. Et c'était une expérience extraordinaire. Presque parfaite. N'eût été des impromptus de l'amour. Je m'attendais pas à ça. les impromptus de l'amour, parce que là, là, ça doit faire environ un an, 9 mois, 22 jours et presque 8 heures que ça dure. Mon fils a une blonde, Tommy. Oh. Voilà, une belle grande brune aux yeux noisettes et aux cheveux fous. Attention. Elle était beaucoup plus vieille que lui, si je me souviens bien. Ouais, ouais. 19 ans, selon sa carte du centre Gédéon Ouimet. École pour adultes. Mais attention, attention, on n'apprend pas un vieux loup à faire la grimace sur une soupe dans un jeu de quilles. Non, c'est une fausse carte. C'est une fausse carte, Tommy. J'y donne pas plus que 16 ans. Solide, t'sais. Bon, en même temps, fiston, il y a 8 ans. Donc, je suis pas encore sûr si c'est elle qui est immature ou lui qui est précoce. Mais une chose est sûre, au lit, il n'est pas précoce. Hein? Non, non, mais j'entends des commentaires là, comme des mots d'église. Mais non, mais c'est vrai, c'est parce que nos chambres ont un mur mitoyen. Hein? Et tu sais ce que ça signifie le mot mitoyen? Tu sais, j'entends tout. Non, non, mais c'est vrai, l'autre jour, j'essayais de me crosser tranquille, pas moyen. Je les entendais baiser. Non, mais c'est mon fils, elle a 16 ans, il essayait de la faire squirter. Petit malaise, OK? Calisse, man! Oui, maman, c'est ça que je fais dans la vie. Chaque lundi depuis 4 ans. Imagine être obligé d'attendre qu'ils jouissent en même temps sur la fin de la toune Arlon de Salomé Leclerc. Qui d'ailleurs était au Franco, hein? Coïncidence, l'auteur dit non. Voilà. Mais bref, si je t'ai jamais parlé de cette relation amoureuse-là, c'est pour deux raisons. En fait, la première, c'est que sa disparition avait chamboulé le Québec à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, elle a changé de nom pis tout, mais quand même, tu sais, Frédérica Pronovo... Il y a des doutes qui subsistent. Moi, celle-là, je l'avais enlevée. Pis... tu l'as remis, puis... Non, c'est correct, je pense. Je m'excuse à toute la famille. Et la deuxième raison, c'est que d'après ma psy, je serais frustré de la relation Tyler-Marla. Tyler-Marla. Ouais. Ouais, Tyler-Marla. Tyler-Marla. C'est dans Fight Club? Ouais. C'est dans Fight Club, OK, oui, oui. Pete et Lola, OK? Ah, OK! Voilà. Eric et Lola. Ouais, non. Ça se peut. Pete. Ouais, Pete. J'ai juste un gros kiwi quand tu me dis Pete. En tout cas. Moi, à ce temps, j'ai un copain. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je serais frustré de la relation fiston-fillette. En effet, m'étant moi-même senti rejeté dans ma vie, je transposerais ma peur du rejet sur le couple de mon fils. Ce qui aurait comme effet une surprotection de celui-ci et un rejet de son petit papillon chenille au miel d'amour à marde, OK? Je tiens quand même à le dire. Et pour confirmer, là, comme pour confirmer ce que je viens de dire, quand Fiston m'a annoncé qu'il voulait qu'on fasse plaisir à sa petite mousseline à la vanille, en allant voir Alexandre Poulain, auteur, compositeur, interprète le de talent qui offre un show convenu mais efficace et touchant. Je me suis dit, pour moi, la vie m'envoie un signe. Hein? La vie veut que j'éclate la fille à grands coups de pelle dans la nuque. C'est clair. T'sais? Mais ma psy avait raison. Elle avait raison. C'est une manière de me protéger. J'avais peur de pleurer. Mais! Ouais, Poulain, moi, ces textes me fendent le cœur. Tu me vois-tu, moi, un vrai? Moi, un vrai, me vois-tu pleurer en plein milieu d'une foule? No, oui, tabarnak. Parce que il y a uniquement deux raisons pour qu'un homme pleure dans une foule. Un enterrement ou si sa province devient un pays. sert. Non, mais toi, non, t'as pas d'opinion. C'est comme ça je le vois. Certainement pas pour un chanteur mielleux au texte fort et engagé. Hein? Imagine si nous, les vrais hommes, on se mettait à imiter les femmes, les tapettes puis les handicapés. Imagine! Imagine, Eric! T'sais. Imagine hein, que, t'sais, à travers les pleurs, on se rende compte que la colère est inutile. Imagine qu'on se rende compte, nous, les hommes, que la confiance en soi est l'arme ultime contre l'adversité, hein? Mais non! Mais non, une chanson aujourd'hui, ça ne change pas le monde, hein? Si on trouve ça quétaine, c'est poche, puis on passe à d'autres choses, hein? Puis bon, j'étais en train de réaliser tout ça, et on était rendu au show d'À la claire ensemble. À la claire ensemble, groupe bas-canadien qui nous offre un poste rigodon créatif, déjanté et contagieux. C'est dans leur communiqué de presse. Hein? Voilà. Et on dansait. On dansait. Ça allait bien. Du hip-hop, tout ça, tu sais. Quand tout d'un coup, une question. Papa, pourquoi des fois on s'engueule? Et là, moi, j'ai pas tout compris parce que dans le domaine de l'engueulade, ça grimpe vite et l'origine semble la pointe d'un iceberg bien assez tôt, Tommy. Je vais te la relire pour que tu la comprennes. Dans le domaine de l'engueulade, ça grimpe vite, puis l'origine semble la pointe d'un iceberg bien assez tôt. T'as saisi, là? Non, mais c'est ça. Ça peut être traduit, hein? Elle veut rien comprendre. Donc, hein, mon fils part d'un bord, puis elle de l'autre. Très certainement que, comme vous, elle n'avait rien compris. Je me dis, parfait, c'est le moment, en tant que père, d'aider mon fils dans ses relations, hein? Faut que je trouve une pelle, tu sais? Mais là, c'est pas fou. La pelle, tu sais, je suis dans un festival au milieu d'une foule, la pelle est un moyen parmi tant d'autres, tu sais. 464 moyens différents. Donc, je suis cette jeune fille et je profite d'une ruelle sombre pour y bloquer la route, mais juste au moment où j'entends l'appel paternel de mes mains sur son cou, ses yeux, elle me regarde, les yeux pleins d'eau, puis elle me demande « Pourquoi il m'a rejeté? » Et là, c'est la vie. Et là, malgré toutes les citations possibles, je ne suis pas un sans-génie. J'ai même eu une idée. En fait, c'était pas pire. J'ai jasé avec elle, j'ai jasé avec lui et je leur ai fait à croire, attention, c'est cave en crise, que l'amitié en amour est la base la plus solide. Tu sais, c'est vraiment important. Je leur ai raconté cette merde-là. Et là, après ça, ça a marché. Ils se sont parlé. Moi, j'ai fumé du crack et tout s'est arrangé. Là, on s'est mis à rire. Il y a eu un énorme générique qui est monté haut, haut, haut dans le ciel. Puis je me suis réveillé dans mon lit. Oui, l'amitié reste la base d'un amour durable. Et oui, Alex Nevsky, en spectacle, utilise énormément le tambourine. Et contrairement à mon autre affirmation, qui était plus de l'ordre de l'expérience personnelle, je n'ai pas fabulé. Il utilisait énormément le tambourine. C'est un fait observé. Tellement, je me suis dit, certainement que dans certains pays, là, tu peux pas en jouer autant, c'est interdit quelque part, c'est sûr. Puis même dans les règlements officieux de la musique, là, tu sais, Il y a des points clairs. Tu peux pas t'envoler comme ça avec le tambourine! T'sais! En tout cas. Ils nous ont cassé, Mathieu. Alex Nevsky, c'est correct, là, mais... C'est emmerdant, là. C'est après la quatrième toune, il était là. J'espère qu'on vous emmerde pas. Dude, on est 60 000 à te regarder. Oui, tu nous emmerdes. Ta gueule. OK? Bon. J'irai pas plus loin là-dedans parce que, bon, c'était très aseptisé comme semaine. En terminant, merci. Merci, Francofolie. Même s'il n'y a aucun kiosque ou activité concernant la musique dans ton festival, tu réussis à la faire rayonner. Bravo! Puis pour moi, puis mon fils, c'était parfait. Écoute, photos dans des chars avec des pitounes, courses de chars téléguidées avec des pitounes, achète de la bière avec des pitounes à l'entrée, des pitounes à la sortie. Sortie père-fils réussie, Tommy. Yeah! Et ça, c'est important. Ça, c'est important. La sortie père-fils, hein, tu sais. Ça, ouais. Ouais, c'est pas le nombre d'heures qui importe. C'est la qualité. Exactement. On forme les adultes de demain. Voilà. Peut-être aurait été mieux d'aller au Canadian Tire. J'y suis déjà allé une fois. Oui. On s'est fait sortir. C'est généralement comme ça que ça se finit. Je finirais peut-être là-dessus. Les kiosques. Qui est allé au Francofolie cette semaine? Avez-vous. J'ai dit, avez-vous remarqué les kiosques à bière? Oui. Oui. Les kiosques à bière. Moi, je crois que les kiosques à bière sont une conspiration fédéraliste. Et non, mais je suis sérieux. C'est une conspiration fédéraliste parce que c'était écrit kiosque à bière. Molson Canadian. Molson Canadian. C'est de la Laurentide au Québec, ça. Ils nous niaisent. C'est sûr qu'ils nous niaisent. sinon, ben c'est ça. Je m'appelle Mathieu, puis j'en ai déjà trop dit. Bonne fête, Toto. Surtout que la NSC écoute notre show qu'on entend. Puis moi, ben je m'en irai pas par là. Je vais descendre, là. OK, ça... Fait que, salut. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ah, il est taquin. Il est taquin, ça fait... Ça fait 4-5 ans qu'on fait des shows ensemble, moi et Mathieu. Ah ouais. Ouais, ben avec la gang ici, je dirais le plus vieux, c'est Bruno puis Damien. Si à Damien, dans le temps, t'étais pas par là. Ben, dans le temps, on faisait de la lutte ensemble. Oui, c'est vrai. Mais c'est... tu m'écoutais pas. C'est... Non. Mais tu voulais que je perde. C'était pas dans le scénario. Exactement. Sinon, ben, il nous en reste juste un. Après, on finit puis on t'entend. Je vois que t'es pas mal chargé à bloc. Elle est comme belle, ta guitare. C'est une... On a dit tantôt, c'est une plus 3, hein, je pense. Ça, hein? Ouais, une plus 3. Une guitare magique plus 3 de Talent. Let's go, on part le dernier chroniqueur. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin, Corbin, Corbin. Les nouvelles. Ah, on s'en va tout de suite en bonne nouvelle, 70%. Alors, le chef d'État milliardaire, hédoniste, philosophe et philanthrope Kim Jong-un aurait, selon ses dires, découvert un médicament miracle qui guérit le sida, l'Ebola et le cancer. Le médicament combine du ginseng et d'autres ingrédients qui n'ont pas encore été publiés. Le site web du médicament cite une recherche effectuée en Afrique où la drogue a été injectée à des patients séropositifs. Selon l'étude, 56% des participants ont été totalement guéris, tandis que 44% ont vu leur état s'améliorer grandement. Pour ceux qui sont bons en maths, 56 plus 44, ça fait... C'est ça, voilà. Rappelons que le père de Kim Jong-un, le supposément défunt Kim Jong-2, a inventé le hamburger et avait des pouvoirs magiques qui lui permettaient, entre autres, de ne jamais utiliser la toilette. Ben même Kim Jong-un, il a fait un 17 trous d'un coup sur un 18 trous de golf. Oui, oui, exactement. Ouais, ça a été corroboré par ses gardes du corps. Voilà. C'est une niaiserie de calice. Let's go next. Oui, un Allemand s'est récemment divorcé et il ne prenait pas la rupture très bien. Il a décidé de séparer ses biens avec sa femme, avec une scie. L'homme a effectivement décidé de séparer toutes les choses qu'il possédait en deux, incluant sofa, laptop et voiture. Il a aussi filmé le tout. Vous pouvez donc encourager ce type de comportement en allant regarder ses vidéos sur YouTube. Ben oui. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé à acheter ses moitiés de possession, vous pouvez aller sur eBay. Sa demi-voiture est déjà à plus de 13 000 $ aux enchères. Dépêchez-vous. The fuck? Ouais, c'est l'époque dans laquelle on vit, Tommy. Ouais, get with the times. C'est ça. Il y a une demande, il y a une offre, puis les deux se parlent rarement. Voilà. On s'en va dans la section extreme gay hating de ma chronique. Ça, c'est nouveau. Voilà. Rick Scarborough, un pasteur baptiste du Texas, a décidé qu'il prenait la voie du martyr afin d'empêcher que le mariage gay soit légalisé. En effet, il a promis de s'immoler vivant si jamais le mariage gay était légalisé. Il n'a pas spécifié s'il allait le faire lui-même ou s'il allait laisser la flamboyance homosexuelle causer une combustion spontanée. Il a aussi fait la même promesse pour empêcher la persécution des commerçants qui s'opposent aux droits homosexuels, comme par exemple le pâtissier en Oregon qui a refusé de faire un gâteau de mariage pour un mariage gay. On lui souhaite bonne chance. Mais ça, j'avoue, OK, le gars, il dit... Si le mariage devient légal, je me mets en feu. Voilà. Mais c'est comme si moi, je dis, mettons, si les Nordiques sont échangés au Colorado, ben, je suis en feu. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Puis on s'entend qu'il est au Texas aussi, fait que je veux dire, c'est pas un gros risque. Ouais, puis prend, il doit là. Être vieux, là, avoir des idées de même de 70 ans à passer. Ben, il est pasteur baptiste, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr que je m'entends pas bien avec. À moins qu'il joue à Magic. Ah! Ouais, c'est Satan, ça, Magic. Il est bon ton deck de vampire, monsieur le pasteur. Et finalement, une nouvelle étude du Centre de contrôle des maladies américain a découvert que le chlore de piscine n'est pas la substance qui cause les yeux rouges quand on se baigne. En effet, la recherche dévoile que le chlore n'est pas à blâmer, mais bien le fait que le chlore se lie à d'autres substances qui le rendent irritant. La substance responsable de cette réaction chimique serait donc bel et bien... Le pipi! Exactement! Oh, ouais. Le rapport ajoute en aparté que la substance qui colore l'eau lorsqu'elle est en contact avec l'urine est un mythe. Ouais, ben oui. Voilà, donc vous pouvez faire pipi dans les piscines pour que les gens continuent à avoir les yeux rouges sans avoir peur de vous faire prendre par du colorant rouge autour de vous qui voilà, vous donne honte. Dit. Ça, apprécie, c'était des belles nouvelles, ça, mon Bruno. Ouais, on boit ça, hein? Ah, ouais. C'est vraiment un mythe, là-dessus, l'air de rien. C'est passé comme une brise, mais c'est la fin de 70%. Notre invité, JC Lauzon, va aller jouer des chansons. C'était vraiment génial de ta part de te mêler au jeu, JC. Moi, je sens un nouveau départ. Je suis très content. T'es encore plein de vivacité. Fait qu'on va t'avoir comme invité à chaque année pendant les 10 qui s'en viennent. Sinon, anyway, tu vas devenir monsieur le député bientôt. Je te souhaite bonne chance. Ouais, t'es fin, merci. Et moi, si j'ai un message que j'aimerais qu'il passe, c'est un petit peu comme celui des rappers américains. Allez voter, parce que ne pas y aller, ça l'aide vraiment rien. Fait qu'on peut céder un petit peu puis aller voter, ou va annuler ton vote ou votre rhinocéros. Hein? À chacun sa tranche. Sinon, ben, je souhaite vraiment que les gens... Que y aille encore des grenouilles en Montérégie. Oui, hein, t'as vu ça dans le film? Hein? Ah, ça n'a ouais, pas de sens. Des grenouilles à six pattes. Ouais. Mais ton film, quand même, il datait de 2003, 2004. 2002. Fait que c'est plus vraiment d'actualité. Fait que c'est, là. Non, mais c'est réglé, le problème. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ben oui, à cette heure, on peut se baigner dans le lac Saint-Pierre. Ouais. Ouais. Non, à cette heure, les grenouilles doivent avoir 10 pattes, peut-être. Bring it! Non, mais je pense que le monde peut penser que c'est une joke, pareil, que les grenouilles ont 6 pattes, mais c'est effectivement un problème de pollution, un problème de changement de... comment dire, de goût dans l'eau, hein, on peut dire ça. L'eau a changé un petit peu, puis ben, parce que si les grenouilles ont 6 pattes, peut-être que ça a un effet sur les humains aussi. Voilà. Non! Eh oui! Bon, ben, J.C. Lozon, mesdames, messieurs! Sinon, ben, je prends quelques instants pour remercier l'excellent Mathieu Boudreau. On a eu Éric Carmen en remplacement de Jean-Sébastien Godette. Bruno, je t'aime. Simon Portelance, regardez-le travailler à TV5. On a Jesse, Simon Cussonnet, Fred était là dans la place, Damien Blasbouchard, les techniciens, Jonathan et Nick, Toto que c'est sa fête, Élise qui prend des photos. Ah, donnez-nous un instant. Là, non, Toto va mener ça à l'autre bord. Nous autres, on tasse un peu, on fait de la place pour JC. On fait de la place pour JC pour qu'il puisse chanter ses chansonnettes. Je sais vraiment pas vers quoi on s'en va. C'est lui qui décède, rendu là. On va vous le dire. C'est parce que, vu, évidemment, la cause environnementale me branche. Vous l'avez entendu une couple de fois. Puis, j'ai pensé faire un take-off. Ça fait deux fois que je dis ça, take-off aujourd'hui. Un take-off. Comment on appelle ça, donc? Un décollage. Ouais. Non, mais c'est quand tu prends une chanson puis que tu changes un peu les paroles. Puis moi, j'ai pensé faire le vieux du bas du fleuve. Mais évidemment, c'est la fête de Toto. Fait que faudrait commencer par chanter. Vous l'avez fait tantôt, mais accompagner, c'est encore mieux. Je peux-tu plugger ça? Okay? Ah, toi, là. Mon cher Toto, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Toto, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Quel âge ça te fait, Toto, là? On parle pas de ça, c'est pas gentil. 31 ans, attendez. C'est tout jeune. D'ailleurs, c'est une gang de jeunes ici. C'est le fun de vous voir. Merci de l'invitation. J'ai pas compris à moitié des jokes. J'ai essayé de réagir au bon moment, là. Puis, pas passer pour un vieux schnook qui comprend plus rien. Mais, oui. Mais, on pourrait faire aussi, vu que c'est votre spécial Saint-Jean-Baptiste, non? On pourrait faire juste un beau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 4 qui connaissent cette chanson-là, d'accord? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur serait venue, j'allumerai les lumières sur ma rue et je roulerai dans la rue en vous chantant ces jolies mélodies. C'est un vieux dans le bas du fleuve, avec une terre de 30 arpents, un poêle à bois, une charrue neuve, 36 cochons puis 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, un gros pipeline sur son terrain. Les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, ils sont en train de souiller ma terre. Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, Il y a de mêler tes affaires, j'ai pas su le cœur, mais j'ai pas le cœur à te le dire. Y'a bien plein de jeunes tout le long du fleuve, ils en veulent pas des déversements. Les gros bateaux pis les gros ports, ils veulent juste les voir revirer de bord. Ils vont se lever un bon matin, pis ils vont se mettre carré dans le chemin. Coule pas chez nous, pas de marée noire, ma rivière c'est pas un dépotoir. Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers, pis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te le dire. Là, ce sera le fun si vous tapiez les mains. Y'a tout un peuple tout le tour du fleuve qui pense plus loin, qui voulait plus grand, qui ont plus confiance au gouvernement pour éviter un autre déraillement. Vont se lever un bon matin, vont dire vos trains font belle trop de train. Les brodesseurs vont dire calvaire, les pétrolières, là, ça va faire. Assis à compter les hivers, il y a de mêler tes affaires, j'ai quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te dire. On veut juste être tranquille chez nous, assis à se compter nos histoires, être sûr que l'eau est bonne à boire. Si t'as un cœur, j'ai pas besoin de te dire. Merci beaucoup. Ok, on va en faire une de plume, la traverse, parce que je suis pas capable de jouer ça. Mais c'est que ça reste quand même dans le même thème, parce que le retour à la Terre, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu intensément. Le retour à l'herbe. Bien sûr, nous ne possédons pas encore nos usines. Là. On n'a pas formé notre gouvernement. On n'a pas l'eau courante dans la cuisine. On n'a rien que deux cochons pis une jumelle. Mais nous avons le soleil. Oui, nous avons le soleil. Le soleil! Oui, nous avons le soleil. Qui chaque jour nous émerveille. À tout le monde encore! Bien sûr, c'est bourré de mouches dans la bécosse. Pis les mulots me chatouillent le bout des pieds. Bien sûr, on se torche des fois avec l'écorce. Parce que l'épicerie est à 5000 à pied. Soleil. Oui, nous avons le soleil. Oui, nous avons le soleil. Qui chaque jour nous émerveille. Bien sûr, on est la proie des commérages. Tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait. Mais chaque fois que tu tôles le sang au village, il y a toujours un escompte sur les navets. Mais nous avons le soleil. Oui, nous avons le soleil. Oui, nous avons le soleil. Fait pousser nos groseilles. Merci beaucoup, vous êtes vraiment une maudite belle gang. Merci à Tommy de m'avoir invité. Coudon, ça donne quasiment le goût d'en chanter un autre. Non, mais vous êtes vraiment spécial, hein? On penserait jamais qu'il y a du monde de même ici. Je veux dire, du monde comme vous autres, là. C'est... Non, c'est rare qu'on tombe là-dessus, là. Je veux dire. Les chats sauvages. J'ai rien que des vieilles chansons dans la tête, moi. Un chansonnier, mais un chansonnier des années 80-90. Tu sais, moi, je chantais tous les garçons et les filles de mon âge savaient bien ce que c'est qu'être heureux. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues deux par deux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Mon Dieu, vous la connaissez? S'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul dans les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne m'aime. Hey, vous êtes vraiment... Non, mais vous avez... ça veut dire que vous avez de la culture, finalement. Non, mais je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ils connaissent ça. Là. Mais c'est vrai qu'on chante plus ça, ces chansons-là. On les joue plus, ces chansons-là, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, le monde n'a plus le temps. Moi, dans l'époque des bébés, hein? Je n'aurais pas le temps. Non, non, mais avant, on chantait... On n'a plus le temps même pour les préliminaires aujourd'hui. T'as plus le temps de faire « Mets ta main dans mes cheveux. Hein, » on n'a plus le temps de ça, là. C'est « Mets ta main dans mes culottes. » Ah ouais, dépêche quand même. Let's go. Attends. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour. C'était l'année de l'expo. Chacun son beau passeport avec une belle photo. J'avais des fleurs dans les cheveux. Fallait-tu être niaiseux? J'avais une blonde pas mal jolie, oui. Abby Sunder avec 14 de mes amis. Des poules à la campagne qui m'a dit que la nature allait un jour valer ma gang. Hey, hey, hey. Mais qu'est-ce qu'un gars peut faire quand il a plus goût de boire sa bière, quand il est allé de jouer à mer avec la fille de son voisin. Mes amis sont disparus, puis moi non plus je me connais plus. On est 10 000, salut Saint-Paul. Avec le blues, la métropole. J'avais un chum qui était correct, lui. Là je le vois plus, il est en prison dans le bout de Québec. Il a mis des bombes quand il a perdu ses élections. Si je m'ennuie trop, vous êtes bien mieux, faire attention, attention. Mais qu'est-ce qu'un gars peut faire quand il n'a plus goût de boire sa bière, quand il est allé de jouer à mer avec la fille de son voisin. Mes amis sont disparus, puis moi non plus je me connais plus. On est 10 000, salut Saint-Paul. Avec le blues de la métropole. Avec le blues de la métropole. Merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée. Et puis, à l'année prochaine, et longue vie au brouhaha, mesdames et messieurs, JC Lauzon, come on! Et d'ailleurs, ça ne fait que commencer parce que maintenant, c'est VJ Jonathan Simon qui va prendre le contrôle. Il y a 2 heures et quelques de clips. Et je sais pas si vous savez, mais Johnny Publicité, c'est son surnom. Il connaît ça, le shit, en sapristi. Et pour débuter, en fait, on a une rétrospective qui nous a concocté de notre invité, de ses plus belles apparitions à la télévision et au reste. Ouais, ça va être de toute beauté. Et juste avant, on prépare la venue d'un de nos invités qui va venir le 6 juillet qui vient. C'est un certain Jimmy Larouche qui est cinéaste et qui vient de sortir un film qui est au cinéma présentement. C'est Antoine et Marie, voilà le film. Et on va mettre le trailer avant, la bande-annonce, parce qu'on encourage beaucoup le produit culturel québécois du terroir. Allez voir Antoine et Marie au cinéma. Sinon, ben voilà, on a une rétrospective de J.C. Lauzon qui s'en vient. Et je veux lâcher le micro en entendant vos applaudissements pour notre invité. Merci beaucoup!